money up for far. Doesn't matter where you are. Some river, land, or the ocean. Boop-boop-be-doo, it's a song for harmony. If you'll only sing with me, oh, come on and join me with boop-be-doop-be-doop-be-doop, boop-boop-be-doop. Sur Radio Libertaire 89.4. Vous nous écoutez peut-être même sur Internet. Alors c'est trop long, mais je suis sûr que vous trouvez sur le site de Radio Libertaire. Et c'est bien l'émission Bulle de Rêve, l'émission de radio 100% animation, la seule que je connaisse, uniquement donc consacrée à notre cinéma préféré. Aujourd'hui, je reçois un jeune retraité de Bulle de Rêve. Et oui, je reçois Olivier Catrin, la chance que j'ai. Olivier, bonjour. Bonjour Alexis. Ça fait quoi d'être derrière le micro dans ce sens-là? Eh ben, je sais pas encore, je dirais ça à la fin de l'émission. Bon, mais pour l'instant, ça va, on s'amuse. Parfait. J'ai hâte. Olivier dit juste qu'il a reçu les invités à ma place, je suis arrivé légèrement en retard. C'est pour ça qu'il dit qu'il s'amuse. On va voir par la suite. Donc, ce cadre imminent de l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation, vient nous parler de la quatrième fête du cinéma d'animation. C'est que ça marche et c'est la quatrième. Bah, en tous les cas, on continue. Hein. Et puis les gens ont l'air contents de participer à la fête. Le public vient. Donc oui, ça marche. Ouais. Donc on va regarder un tout petit peu partout ce qui se passe dans le monde entier maintenant. Dans le monde entier. Pas loin de 40 pays cette année pour organiser quelque chose, pour célébrer cette journée mondiale. Ouais. C'est impressionnant. Et alors, on a décidé avec Olivier, de parler d'un événement particulier. C'est la venue en France d'un grand cinéaste polonais. Évidemment, pendant toute l'émission, je vais, je pense, mal prononcer son nom, mais je vais essayer. Daniel Cheshura, et c'est Jessica Bongibo. Bonjour. Bonjour, qui vient nous en parler. Elle est de l'association, et attention, c'est reparti, Polska Kultura Alternativa. Ouais, Alternativa. Mais Alternativa. Elle prononcera mieux que moi, donc PKA. Et donc cette très belle rétrospective qui aura lieu au cinéma du Panthéon, c'est ça? Exactement, le 28 octobre à 21h. Bon, on va parler donc un tout petit peu du cinéma polonais et de ce réalisateur en particulier. Et on aura le plaisir de recevoir en deuxième partie d'émission Philippe Grammaticopoulos. Décidément, j'ai que des noms faciles aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Qui viendra donc nous parler de lui, de son cinéma qu'on aime particulièrement. Vous avez sûrement peut-être déjà vu Le Régulateur, qui est son film, dernier film le plus connu, qui est passé à Annecy. Est-ce qu'il est passé à Auch? Oui, bien sûr. Bonne question. Il est passé en sélection à Auch. Et donc voilà. Donc en fin d'émission, pendant ce magazine, vous retrouverez toutes les news du monde de l'anime. Il n'y en a pas énormément, puisque la fête, évidemment, de l'animation fédère tout ça, ce qui est plutôt bien. On retrouvera Marion Audon en direct de Montréal, qui nous parlera du Sunday. Olivier a peut-être vu aussi à Annecy. Quoi donc? Le Sunday. Ah non. SA2NDE, par l'ENF, qui est le cinéma en relief. Non, j'ai pas vu. Très intéressant, dommage. C'est vrai que c'est très bien. Et oui, en plus, ça va être l'unique possibilité de le voir. Et ensuite, nous retrouvons une nouvelle rubrique qui s'appelle Critiques en herbe, dans laquelle des enfants nous parleront du film Wallace et Gromit, qui sort le 19 octobre sur nos écrans. Mais avant tout ça, laissez-moi vous parler du beau métier de journaliste de cinéma d'animation. Alors j'entends derrière des gens qui vont se dire, ça y est, il se met à râler encore, il va nous dire, non, c'est juste pour vous dire, imaginez, je ne sais pas si Olivier, j'en suis sûr, vous avez déjà été dans des séances de presse, dans des projections de presse, Jessica, Philippe, oui. Ouais, mais pas d'animation. Pas d'animation, mais normalement, donc si vous y avez été, c'est plutôt assez cool une séance hein, d'animation de presse, de cinéma, d'animation, après, c'est plutôt tranquille, on rentre, c'est plutôt bon enfant, l'animation, les gens sont plutôt contents quand les gens viennent. Alors, imaginez, vous arrivez avec votre carnet, votre petit stylo, vous allez écrire un petit quelque chose. En fait, à peine arrivé, vous avez un petit peu peur parce que vous demandez si vous n'êtes pas trompé de salle. Certes, il y a l'attaché de presse qui est là, qui vous demande votre nom est bon. Et puis, vous avancez un tout petit peu et là, six gardes du corps, en tout cas six vigiles, vous regardent avec un air très méchant. Et là, vous dites, ouf, est-ce que je suis bien à la bonne séance? Et oui, vous êtes bien à la bonne séance. Donc, on vous demande si vous avez un appareil photo. Alors, non, j'amène rarement des appareils photo. Une caméra vidéo, non. Un portable, aujourd'hui, tout le monde en a. Alors, est-ce que ce portable prend des photos, des caméras? Enfin, on veut savoir un petit peu ce qu'il fait. Alors, il faut l'éteindre. Alors, moi, de toute façon, quand je rentre dans une salle de cinéma, j'éteins toujours mon portable. Peut-être qu'ils ne le font pas, visiblement, pas dans les projections de presse. Enfin, vous rentrez, vous êtes enfin heureux d'être dans la salle, là vous mettez bien dans le fauteuil, vous apprêtez à voir votre film, et là vous avez des personnes qui s'installent tout le long du cinéma avec des lunettes infrarouges et qui vont épier pendant tout le long du film vos faits et gestes. Alors vous imaginez un petit peu deux vigiles se parlant, l'un disant attends, là je suis sûr, il y en a un qui est en train de se filmer l'écran, attends, je vais aller voir, non, c'est bon, finalement fausse alerte, il est en train de se... toucher l'oreille, se gratter l'oreille, mais bon, c'est jamais, je préfère être sûr, c'est pas grave, moi j'en ai viré un parce qu'il prenait des notes, mais je suis sûr qu'il avait une caméra dans son stylo, enfin vous imaginez la parano. Et bientôt, qui sait, dans 6 mois, bientôt vous arriverez dans une salle de cinéma, ou pour une projection de presse, on vous dira, excusez-moi, vous pouvez passer au vestiaire s'il vous plaît, j'aimerais que vous vous déshabillez, vous allez entrer nu, comment ça se fait, si, puis après vous passerez quand même dans la salle d'examination, on sait jamais, vous pourriez cacher une caméra quelque part. Alors, je sais, c'est un petit peu délirant, mais c'est vrai, récemment, le Warner a organisé une seule séance de presse, qui était la séance de Corpse Bride, le film de Tim Burton et Mac Johnson, et en effet, on était fouillés. Et à l'intérieur, c'était quadrillé de personnes dans les infrarouges. Alors, on pourrait en rire. Le seul problème, c'est que c'était déjà arrivé à Annecy pour Madagascar. C'est quasiment arrivé pour Wallace et Gromit aussi, dans une petite salle, au Club de l'Étoile, où on était fouillé quasiment de fond en comble pour le voir. Alors, les grandes majors vont nous dire que c'est de la faute d'Internet. Tout ça, je trouve que c'est un tout petit peu plus inquiétant qu'Internet. C'est vraiment penser qu'on ne fait pas, qu'on pourrait pirater la presse. Et je pense qu'il y a d'autres choses à voir. Il y a plein d'intermédiaires. Et s'amuser à faire ce genre de choses n'est pas très intéressant à ce niveau-là. Et je trouve ça assez inquiétant qu'on puisse faire ça. Surtout qu'une semaine après, j'allais voir Kirikou et les Bêtes Sauvages. Alors peut-être que nous, Français, on est un peu plus tranquilles. Dieu sait si Kirikou est attendu. Et personne, à part les attachés de presse, très contents. On est rentré, on a vu le film. Il n'y avait absolument personne qui nous surveillait. Alors, ça, c'est une partie journaliste. Et puis, il y a une autre partie journaliste, c'est quand vous voulez avoir une interview. Quand vous voulez avoir une interview, sauf si vous êtes d'un grand média, c'est difficile. Moi, j'ai voulu avoir Tim Burton, Nick Park, tout ça. Ça, c'est quasiment impossible à avoir. Tim Burton, ça vous intéresse, ça intéresse quand même les attachés de presse que vous y soyez. Vous avez des... J'avais jamais fait ça, peut-être qu'Olivier a fait ça. Des interviews à plusieurs de presse, enfin... Donc c'est très intéressant. Vous avez où ça? Ou les presse junkets. Les presse junkets, j'en ai fait une avec Isao Takahata, le réalisateur du Tombeau des Lucioles et de Pompoko, dont on reparlera ici. Vous avez un quart d'heure montre en main. Vous rentrez, vous dites bonjour. Déjà, c'est traduit en japonais, donc déjà ça vous prend 2 minutes. Vous posez en gros 3 questions. Et ces 3 questions, si vous n'avez pas posé les bonnes, s'il y a un problème de traduction, c'est fini. Et alors quant au... interview de presse en masse comme ça, ça devient délirant parce que chacun pose sa question, ce qui fait que c'est complètement décousu. Et quand vous avez Tim Burton et 3 autres personnes, vous pouvez être sûr qu'il n'y a que des questions pour Tim Burton. Et j'en ai posé une à Mike Johnson, on en reparlera quand on parlera de Corpse Bride tout à l'heure. Mais en plus, ma question n'a pas été bien prise finalement et c'est très difficile. Donc c'est quand même assez compliqué, journaliste du cinéma d'animation. Je ne m'imaginais pas ça, mais peut-être que le fait que les gens maintenant s'intéressent de plus en plus au cinéma, et ça on devrait être très content de ce fait. Finalement, ça devient de plus en plus difficile. Olivier, toi, t'as déjà... Je sais pas, moi, je m'inquiète plutôt pour les futurs réalisateurs de films d'animation. Peut-être que Philippe s'inquiète pour son avenir, non, quand il sera une star, qu'il ira faire des interviews aux États-Unis ou au Japon. Je serais content d'avoir des gardes du corps. Mais... Ouais. Profitons-en, puisqu'on l'a justement. Voilà, c'est peut-être la dernière interview de Philippe que vous avez en direct, où il répondra réellement aux questions. Il est encore jeune et modeste, il peut venir à but de rêve et tout ça. Et puis, voilà. Dès qu'il fera son premier long métrage, il ne viendra plus. Bon, alors profitons-en. En attendant, une petite pause musicale, on va écouter Higelin en chant de traînée pour notre plaisir. C'est un nouveau CD, je vous en reparle un petit peu après. J'ai longtemps rêvé de vous parler, chérie, bien avant de vous connaître. Je vous avais vue brillante au fond des nuits, de tous mes rêves champêtres, ou à la campagne comme aujourd'hui. Oui, mais j'ai perdu la tête. Ma chanson commence quand elle finit. Oh, le grand amour me rend bête. Vous êtes jolie, mon petit oiseau. Près de vous les fleurs ne sont pas si belles. La source qui coule et les fraîches eaux n'ont pas votre voix. Vous riez bien mieux qu'elle. Que dire de vos yeux si doux? Que dire de vos mains, de vos cheveux, de tout votre corps jaloux, de tout l'amour que je veux? Vous êtes pour moi la petite fée, le petit oiseau de mon cœur qui vous aime. J'inventais pour vous des mots et des chansons bien avant de vous connaître. Je vous les disais souvent dans les buissons ou bien le soir à la fenêtre. Mais tous ces grands airs, ces opéras, aujourd'hui je les oublie. Et cette chanson s'arrête là. Parce que vous êtes jolie. Très jolie. Mon petit oiseau, près de vous les fleurs ne sont pas si belles. La source qui coule et les fraîches eaux n'ont pas votre voix. Vous riez bien mieux qu'elle. Que dire de vos yeux si doux? Que dire de vos mains, de vos cheveux, de tout votre corps jaloux, de tout l'amour que je veux? Vous êtes pour moi la petite fée, le petit oiseau de mon cœur qui vous aime. Vous êtes jolie, mon petit oiseau bleu. Bonjour, vous êtes toujours donc sur Radio Libertaire. Si vous nous rejoignez, c'est Bulle de rêve. J'ai un trou de mémoire. Bulle de rêve, c'est incroyable. Et c'est... J'étais déjà parti sur l'interview d'Olivier, en fait. Et c'est Higelin en chant de traînée, un double CD absolument incroyable de Higelin qui revient enfin sur scène. La chanson, c'était « Vous êtes jolie ». Vous n'avez pas besoin de savoir à qui je la dédie, elle le sera elle-même. Et donc, c'est un double CD. Et Higelin revient en concert bientôt au Trianon, je crois, à partir du 11. Il faut absolument aller le voir. C'est le grand retour d'Higelin. C'est absolument incroyable. Alors, Olivier, bonjour. Encore. Bonjour. Rebonjour. Ouais. La fête d'animation, pourquoi? Pourquoi la fête de l'animation? En fait, au départ, il y a une idée de quelqu'un qui était président de l'Association internationale du film d'animation. Il s'est dit, pourquoi on ne célébrerait pas la naissance du cinéma d'animation? Encore que le terme est un peu impropre, parce que c'est la naissance du dessin animé, pas du cinéma d'animation. Voilà, il a lancé ça comme ça, un peu de façon informelle. C'était un réalisateur portugais qui s'appelle Abi Feijó, qui n'est pas resté très longtemps d'ailleurs président de la CIFA. Pourquoi? parce qu'il avait des problèmes en tant que producteur à résoudre professionnel, etc. Donc il a pu la disponibilité d'accomplir son rôle. Néanmoins, il a lancé cette idée et c'est parvenu jusqu'à nos oreilles, à nous en France. Et on s'est dit, mais c'est une très bonne idée, d'autant que le dessin animé est né en France. C'était donc Émile Reynaud en octobre 1892, le 28 octobre 1892, au musée Grévin. Donc c'est la France, en fait, c'est l'AFCA qui s'est emparée de l'idée. Voilà. Et la fête est vraiment née, en fait, ici. On s'est dit, on va essayer de faire quelque chose autour de ça. Et on a commencé à appeler des gens autour de nous, disant, vous voulez pas faire quelque chose à l'occasion. On a une journée mondiale du cinéma d'animation. Et c'est comme ça que c'est né. Tout est né. Est-ce que ça veut dire que l'animation est encore du mal à être mise sur des écrans, à être montrée, puisqu'il y a une fête du cinéma, il y a des fêtes du cinéma. Très commerciales, certes, mais il y en a. Pourquoi l'animation, c'est pas greffée à ces fêtes du cinéma? Il y a plein de films d'animation qui sont montrés dans ce cadre-là, mais c'est pas... Bon, la fête du cinéma, c'est une opération de promotion pour les cinémas, on va dire. Là, l'idée, c'était pas la même chose. On a réfléchi comment on pourrait faire ça, parce qu'on peut pas juste dire, on va fêter la fête du cinéma d'animation, enfin, fêter l'animation, la naissance du cinéma d'animation. On s'est dit, faut qu'on en fasse un espèce de tremplin pour tous les gens qui font des choses à droite, à gauche. Voilà. Et on va essayer de montrer que le cinéma d'animation, ça s'adresse à tous les publics. Donc on va essayer de s'adresser à des gens qui travaillent avec le jeune public, ce qui est le plus courant dans l'animation, mais aussi à des centres d'art, à des cinémathèques, essayer de brasser le plus large possible, y mettre des ateliers, y mettre des expos, y mettre toutes les formes possibles, des portes ouvertes, etc. C'était ça l'idée, de relayer un petit peu et d'en faire un événement. Et est-ce que tu penses que le succès, puisqu'on peut parler de succès, c'est quatrième, on va en parler un petit peu, là ça devient au départ, tu vas nous dire combien il y avait lieu au départ. On était très, très surpris parce que dès la première année, on a eu 120 quand événements même. En toute la France. D'accord. On n'attendait absolument pas ça, on s'est dit, si on a une quarantaine, ce sera très bien, quoi. Mais finalement, ça a pris tout de suite. Un peu une surprise, on a commencé en février, en octobre, et effectivement, on était d'accord. À 120 événements. Et aujourd'hui ? On en a plus de 250. En France uniquement ou en dans France le monde uniquement. D'accord. En France uniquement. Dans le monde, je ne sais pas. D'accord. Bon, 250, donc le double en 4 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a... Est-ce que tu penses que le succès vient aussi du... tout simplement du renouveau, du regain d'intérêt qu'ont les gens pour l'animation pour le... Oui, c'est lié. En cherchant dans les archives du LAFCA, j'ai trouvé des traces d'une idée un peu similaire, même si ça reposait pas sur une journée mondiale, mais une idée un peu similaire de faire un truc sur différents lieux en France comme ça, et ça a jamais pris, en fait. Il y a eu une édition. Je pense que c'était pas le bon moment, quoi. On est tombé au bon moment. C'est vrai qu'il y a un intérêt aujourd'hui pour le cinéma d'animation qui est pas celui d'il y a 20 ans. À la fois l'œuvre pour le jeune public est beaucoup plus important, et puis surtout il y a des adultes qui s'intéressent au cinéma d'animation. Il y a eu un travail énorme sur le court-métrage, la BD aussi s'est beaucoup développée, donc il y a beaucoup de gens qui viennent de ce domaine-là, qui s'y intéressent au cinéma d'animation. Donc je pense qu'on est vraiment tombé au bon moment, quoi. C'était le moment, en fait, pour faire ça. Alors, aujourd'hui, on arrive avec une petite nouveauté pour cette nouvelle édition. On va écouter un petit son d'abord. Alors, donc vous êtes tous, vous demandez ce que c'est, peut-être qu'il y en a qui ont découvert. On va demander à Olivier, qui a sûrement deviné, évidemment. Et puis, je connais, c'est Paul Dressen. Voilà, tout à fait. Je ne me rappelle plus du titre, mais... C'est la fin du monde. La fin du monde en quatre saisons. Alors, pour vous donner un peu l'idée de ce que c'est, Dressen, Olivier va nous en parler, puisque c'est l'invité d'honneur, c'est la grande nouveauté, on va dire, la grande nouveauté de cette édition. Dressen, c'est un réalisateur hollandais absolument incroyable. Et là, ce film-là, vous avez... tout le temps quasiment 9 cases, si je dis pas de bêtises, enfin 9 cases, et il se passe une action dans une case qui va se retrouver dans une autre, et en fait c'est les conséquences d'une action dans une autre, c'est un mélange, c'est un film absolument étonnant, c'est du dessin, et c'est absolument incroyable. Si c'est du dessin, et en fait non, je crois que Driessen depuis quelques années s'est mis à l'ordinateur. Ouais, mais ça reste du dessin quand même, hein. Alors, dans le dernier film, il y avait un tout petit peu de 3D, mais juste comme ça, quoi. Ça, il retravaille tout à fait. Alors, ouais. Donc, Driessen, pourquoi Driessen? Pourquoi Driessen? Parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien. On s'est dit, bon, ça serait bien d'avoir une personnalité comme ça qu'on mettra en avant. Alors, si possible, quelqu'un qui parle français, c'est mieux, c'est plus pratique. Paul Driessen, comme il travaille au Canada, c'est vrai qu'il parle très bien français. C'est quelqu'un de très sympathique, et puis c'est quelqu'un qui a une œuvre très singulière. Alors, il n'est pas du tout connu du grand public. Parce qu'il a fait que des courts-métrages, tout simplement. Hein, tant qu'on n'a pas fait un long-métrage, on reste à peu près inconnu. Eh oui. Mais il est très connu dans le monde de l'animation, parce qu'il a, je ne sais plus combien, une bonne trentaine de films derrière lui, qui ont marqué, qui a été largement diffusé. Il a été couvert d'honneur, on va dire. Et puis, c'est vraiment une personnalité, aussi bien l'individu que l'artiste, quoi. C'est vrai qu'un dessin de Driessen sur du papier, les gens qui connaissent le travail de Driessen, ils reconnaissent tout de suite. Et à la limite, on peut même reconnaître Driessen par la bande son. Tout à fait. Ouais, oui, c'est pour ça que oui. Tout de suite, évidemment, on pense à Driessen, quoi. Il y a une patte extraordinaire. C'est du travail d'auteur. Puis alors, c'est quelqu'un, on peut ça, qui en fait pourrait être très grand public, parce qu'il est extraordinairement drôle. Il a un humour qui n'appartient qu'à lui, mais qui est. Alors, tout le monde n'y est pas sensible, il y a des gens qui peuvent, forcément, comme toujours, l'humour. Mais c'est vrai qu'il a un humour extraordinaire qui reste à découvrir, quoi. Alors, c'est l'occasion. En plus de ça, ça tombait bien parce qu'auparavant, on lui avait demandé de faire l'affiche. Voilà, donc il a fait l'affiche de la fête et donc aussi mondiale. Et en plus, on s'est rendu compte en cours de route qu'un distributeur allait sortir ses films au printemps. Un programme de ces films au printemps. Enfin bon, bref, c'était. Donc il faut découvrir Driessen absolument, parce que Driessen est quelqu'un qui en plus expérimente, c'est-à-dire qu'il est drôle, on peut aimer son humour, et en plus il y a une vraie recherche au niveau de l'animation. C'est pas juste de l'humour, même si c'est déjà bien, mais il y a vraiment l'idée, ce que je vous disais, l'idée du cadre dans le cadre, l'idée de ce qui va avoir une répercussion dans une autre image, etc. Il y a juste sur la narration, tout à fait. Il y a des recherches dans la narration et aussi dans le visuel. Effectivement, cette idée de 9 cases. Bon, qui rend peut-être un peu difficile parfois à tout suivre, mais justement, c'est un côté très très ludique en fait. Hein. Mais il y a beaucoup de recherches justement formelles dans son cinéma qui sont en corrélation, c'est absolument pas gratuit, c'est en corrélation complètement avec le propos, c'est un espèce de jeu comme ça. Et donc Driessen, on va le voir dans plein de lieux. Dans plein de lieux, pas autant qu'on aurait voulu, parce que malheureusement, il peut pas rester toute la durée de la fête, donc il va essentiellement rester sur l'île de France, à part... le 28, où il sera à Hérouville-Saint-Clair au Café des Images. Avec Jean-Christophe Perrier, le fameux, notamment journaliste aussi, Animeland, et qui organise tous les mois des séances très intéressantes, avec souvent, justement, il essaie de faire venir le réalisateur. Et, voilà. Donc là, ce sera sur Driessen, d'accord. D'ailleurs, on peut dire, on parlait de ce qu'il fait un petit peu, là, en Basse-Normandie. Tout à fait. Pendant plus que 7 jours, parce que je crois que c'est pendant une bonne... quinzaine de jours, je pense, il va aller de cinéma en cinéma présenter un programme de court-métrage avec des choses absolument magnifiques. Et voilà, au bout de 15 jours, il sera bon pour se coucher pendant 15 jours, dont une séance avec Paul Driessen au Café des Images. Mais Jean-Christophe est un passionné, donc c'est je ne doute pas que ça sera forcément très intéressant de toute façon. Donc Driessen, on a, alors ça c'est un gros événement aussi énorme, c'est le Forum des Images qui va le recevoir, c'est Kiyachiro. Oui, tout à fait. Kawamoto, donc il sera pour présenter son nouveau, son premier long métrage. Non, c'est pas son premier long métrage. C'est pas son premier en fait. C'est pas son premier long métrage en fait. J'ai appris il y a peu, à cette occasion d'ailleurs, qu'il avait déjà fait un long métrage qu'on ne connaît absolument pas, en dehors de Jours d'hiver, film qu'il a dirigé, mais qui est une œuvre collective en fait, avec plein de petits bouts de différents réalisateurs. Extraordinaire. Là, je te coupe juste pour Jours d'hiver, parce que vraiment faut le voir. Il y a des choses extraordinaires, des petits extraits de notamment. Un des grands maîtres d'animation qu'on voit quasiment plus, Yurin Einstein. Il y a Takahata qui a fait quelque chose de très très drôle. Enfin, c'est vraiment. Et ce film n'a jamais été présenté à Annecy. Voilà, Olivier, tu peux repartir. Mais il a été présenté au Forum des Images. Il a été présenté au Forum des Images. Le Forum des Images, où on découvrira donc effectivement le Livre des Morts, film donc de marionnettes de Kawamoto. Parce que Kawamoto, c'est pas du dessin animé comme ce qu'on connaît beaucoup de l'animation japonaise, c'est un maître de marionnettes, on peut dire. C'est un vrai maître de marionnettes. Voilà, comme l'était Trinka ou Poyard ou voilà, des gens comme ça. Et d'ailleurs, Kawamoto a travaillé avec Trinka. Exactement, il a été formé auprès de Trinka. Et bon, c'est quelque chose de magnifique. Il y a en plus une dimension spécifiquement japonaise dans le travail de Kawamoto, et c'est vrai que dans la façon dont il met en scène ses personnages, on est souvent proche du théâtre no. Tout à fait, c'est japonais. Et bon, c'est quelque chose, c'est un univers extraordinaire. Alors, en long métrage, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'on connaît pas mal de ses courts métrages. Il a eu l'occasion plusieurs fois de les présenter dans le cadre de Nouvelles Images du Japon. Et moi, j'attends ça avec énormément d'impatience, hein, c'est vrai. Oui, c'est vraiment, je pense, l'un des... Il y en aura d'autres, on va en parler. Mais c'est vraiment l'un des grands événements pour les gens de l'animation en général, ouais. Ceux qui aiment l'animation, le Japon, et juste la beauté. Car a priori, en effet, vu ses courts-métrages, il n'y a aucune raison que le long ne soit pas beau. Ça sera forcément beau. Ouais. Alors, ça, c'est toujours en Île-de-France. On va ensuite partir un petit peu en France. Autour de Driessen, on va trouver un hommage. Alors, c'est plus surprenant à Nico Krama, qui est notamment le producteur de Driessen, un des producteurs attitrés. Pourquoi Nico Krama? C'est assez surprenant comme idée. En fait, oui, Nico Krama, peu de gens le connaissent, en fait, hein, par des réalisateurs qui ont été produits par lui. Enfin, il n'est pas connu, même des gens qui s'intéressent à l'animation ne le connaissent pas forcément, ne connaissent pas son nom, mais en revanche, ils connaissent les films qu'il a produits. C'est un producteur qui a fait un travail extraordinaire aux Pays-Bas, et il a produit les plus grands, dont effectivement dans un certain nombre de films de Paul Driessen. Il y a eu un documentaire qui a été fait sur Nico Krama, c'est-à-dire qu'il a un rôle quand même très important. Hein. Documentaire sur un producteur de films d'animation, c'est quand même pas tout à fait anodin. C'est rare. Il n'a pas produit que de l'animation d'ailleurs, mais quand même beaucoup, c'est l'essentiel de son travail. Et je crois que c'est l'occasion d'un panorama de l'animation hollandaise, et Dieu sait si c'était l'occasion de production tout à fait étonnante. Je vois Gerrit van Dijk, Christa Mosker, des gens comme ça. Il y a des choses tout à fait magnifiques à découvrir. Il y aura trois soirées, hein, donc c'est à la BPI. Tout à fait. Ouais. Trois soirées avec Nico Krama. Bien. Il sera là avec Paul Driessen aussi, qui sera là pour une soirée. Et surtout pour les fans de Bulle de Rêve qui, j'espère, vont bientôt retrouver sa voix douce et délicate. Olivier, avec Serge Kornman. Avec Serge Kornman. La mémoire vivante de l'animation en France. qui sera là pour une soirée, qui va animer une rencontre avec Nico Krama. Jeudi 27 octobre à 20h. Et oui, le directeur de l'Institut néerlandais du film d'animation, puisque ça existe aux Pays-Bas. Pas en France, il y en a aux Pays-Bas. Ça s'appelle Ton Kroon. Voilà. D'accord. Et donc, ça sera. Alors, juste en effet, on va quand même préciser, on le représentera un petit peu tout au long de l'émission, que ce programme dont on vous parle est disponible. Il est disponible sur le site internet de l'AFCA, alors les fameux www.afca.asso.fr. On va vous le dire plus souvent, parce que c'est vrai qu'on va dire beaucoup de choses, on ne va pas à chaque fois repréciser, mais là, vous avez absolument tout. Moi, j'ai tout le catalogue qui est déjà énorme, et il y a vraiment tout, et puis en plus, ça va être renouvelé, on va dire, au jour le jour. Oui, il faut préciser ça, parce qu'il y a encore des informations qu'on n'a pas. On reçoit encore des informations, donc on met à jour régulièrement. En plus, ça, évidemment, quand on a mis en ligne, il y avait des choses qui n'allaient pas, donc on a corrigé des choses. Donc, il faut y retourner. Il faut pas imprimer une fois pour toutes et se dire, OK, j'ai le programme. Il faut retourner voir parce que ça évolue, en fait. Et le réimprimer à chaque fois. J'espère que vous avez plein de ramettes de papier parce que c'est quand même assez énorme. Non, mais vous n'êtes pas obligé d'imprimer le programme de toute la France. Ça a été conçu comme ça, justement. C'est vrai. Le programme est rangé par région. Alors, il y a des régions où il y a beaucoup de choses. Il y en a où il y a très peu de choses, mais voilà. Et pour les gens, on lancera, comme on avait lancé sur thewebanime.com, le blog de la fête. C'est-à-dire que jusqu'à la fête, évidemment, il faudra aller sur le site de l'AFCA. Et puis au moment où tous les personnes de l'AFCA, ils sont quand même que 4, seront tous sur le terrain, parce qu'ils font beaucoup de travail, ils sont quand même que 4, donc il faut bien relayer leur travail. Et quand ils seront tous sur le terrain, et le blog de thewebanime.com reprendra le travail. Et puis s'il y a des choses qui changeront ou des choses, on le dira. Puis il y aura des interviews, tout ce qui se passera dans la journée, on essaiera un petit peu d'être vivant, parce que c'est quand même assez exceptionnel cette fête. Donc il faut absolument en parler le plus possible. Alors, on arrive au 28 octobre avec une séance, en fait, l'Animathèque. Qui change de date et qui arrive encore à la BPI. Alors pour non, c'est pas la BPI, c'est à Beaubourg, mais c'est pas la BPI. Ah, parce que moi j'ai sur l'AFCA, il y a marqué BPI du Centre Beaubourg, salle cinéma. Erreur, voilà, une erreur. Première erreur, ça sera réparé lundi. On va dire. Alors moi j'ai celui de hier. Bon, on va en discuter après. En tout cas, ça se passe pas grave, à Beaubourg. C'est cinéma, c'est l'ancien. salle Garance, en fait. D'accord. Voilà. Alors donc, c'est autour de Ombres et Lumières. Dis-nous-en un peu plus. Oui, bah, l'idée, c'était de relayer une exposition qui est actuellement au Centre Beaubourg sur cette thématique. On est très proche de l'animation, hein, l'ombre et la lumière. Donc on s'est dit, bah, on va faire une programmation là-dessus. Donc à la fois, c'est une façon de mettre en avant certaines techniques d'animation, notamment l'écran d'épingle, le sable, les silhouettes chinoises, des choses comme ça. Et puis aussi sur la thématique. Donc on a sélectionné un certain nombre de films qu'on va passer avec quelques merveilles, en passant d'Alexeïev, Le manteau de la vieille dame de Michel Oslo, Entre deux sœurs de Caroline Leaf. Des choses peut-être un peu moins connues, plus contemporaines, comme La nuit est tombée de Svetlana Filipova, qui est de l'animation, non pas de sable, mais de marc de café. Ouais. Donc c'est de la poudre de café, en fait, hein, donc qui est animée sur une plaque. Il y a des fous dans l'animation, quand même. Il y a des fous dans l'animation. Et c'est particulièrement magnifique. Ou Barcode d'Adrienne Lockman, qui a eu un grand prix. Hein, ouf, voilà. Le grand prix, l'un des grands prix les plus décriés, je pense, du voilà, festival. C'est un film tout à fait étonnant, qui est très intéressant. Complètement expérimental, on tout va dire. Fait, ouais. Et c'est une expérience. Et puis dans la thématique, et comme la technique aussi, un film de marionnette avec un film qu'on connaît très peu qui s'appelle L'ombre de Stanislas Sokolov. Sokolov, c'était l'animateur de Il était une fois Jésus, ce long métrage qui est sorti en salle il y a quelques années, avec des marionnettes magnifiques qui sont l'œuvre de Sokolov. Le film avait d'autres faiblesses, on va dire, mais ce court métrage de Sokolov est un film tout à fait extraordinaire, magnifique visuellement, une animation de marionnettes extraordinaire, et c'est complètement sur la thématique. L'homme sans ombre de Georges Fitzgebel, là on est complètement dans la thématique. Et voilà, quoi, histoire de découvrir des choses magnifiques. Et puis on a deux invités pour parler justement des techniques de l'animation. Alors Michel Oslo viendra nous expliquer comment on fait de l'animation en ombre chinoise. Et vous allez voir, c'est tout à fait étonnant parce qu'on découvre qu'on peut faire l'animation avec rien, pratiquement. Hein. Une feuille de papier, de la colle, un trombone, enfin bon c'est... Et un peu de patience. Voilà, et un peu de patience et de l'imagination. Oui, aussi. Et puis Dominique Viloubi... qui est un professeur de cinéma et spécialiste d'Alexeïev, viendra nous expliquer comment fonctionne l'écran d'épingle, le fameux écran d'épingle. Incroyable, ça c'est vraiment un outil absolument incroyable. Voilà, une soirée découverte, entrée libre. D'accord, donc c'est le 28, on va parler juste après, malheureusement, dans la deuxième partie. Et oui, Il y a deux soirées exceptionnelles le 28. Le 28, donc faudra, mais les deux seront complètes, donc il faudra bien que vous décidiez. Ce sera l'hommage à Daniel Cheshura, donc on va parler juste après. Nouvelles images du Japon, je voulais juste rappeler pour les fans de Japanime, comme on dit, qu'il y aura deux épisodes, en avant-première, deux épisodes de la série Paranoia Agent, la très très bonne série de Kon Satoshi, sûrement l'un des meilleurs réalisateurs d'animation à l'heure actuelle japonais. Et même je me lancerai en disant que c'est l'un des meilleurs mondiaux. Et la série est très très étonnante. Et il va y avoir aussi Open Art, qui est une sélection de courts-métrages inédits de jeunes réalisateurs d'animation, toujours bien évidemment japonais. Il faut s'accrocher à cette soirée Nouvelles Images du Japon, puisque normalement les Nouvelles Images du Japon auraient dû avoir lieu cette année, et que le Forum des Images fermant pour au moins deux bonnes années. Alors, un an et demi, je crois. Un an et demi, selon les... C'est prévu un an et demi, ça peut-être deux ans. Et facilement deux ans, voilà, selon les autres. Ouais. Donc voilà, il faut absolument se précipiter. Donc ça sera le vendredi 29. Le vendredi 29. Le samedi 29. Encore une erreur du programme de l'AFCA. J'arrête là. Le samedi 29, nous aurons à la Cinémathèque française un programme. Olivier vient de se rendre compte qu'il y avait en effet une erreur. Le samedi 29 octobre à 17h30. Programme sur Internet. Si, si. À la Cinémathèque française. Ah, c'est celui de l'attaché de presse. C'est pire. Donc, le samedi 29 octobre à 17h30. Alors, quelque chose de très intéressant, c'est pour une fois que l'animation rentre à la Cinémathèque, c'est rare hein, quand même ce qui se passe. Ah, bah, tous les ans, la Cinémathèque française, c'est une soirée à l'occasion de la fête du cinéma d'animation. Ça leur permet de ne rien passer pendant une année, parce que là, j'ai regardé, il y a quand même quasiment rien qui passe, sauf Miyazaki. Ils font un effort incroyable. Mais là, il y a Renoir par Renoir, il y a plein de belles choses. Ils auraient pu en profiter pour porter un peu l'animation. Mais ils n'aiment pas trop l'animation de la Cinémathèque française. Donc voilà, donc la profiter pour aller voir la nouvelle cinémathèque pour les fans d'animation. Ça permet de faire les deux en même temps. Ça va être donc animation et science, alors avec notamment Einstein Theory of Relativity de Max et Dave Fleischer, qui était Max notamment un très grand fan de science. Max et Dave Fleischer, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez entendu en générique, c'était les créateurs notamment de Betty Boop, Popeye, et tous les grands personnages, de grands créateurs, inventeurs aussi de cinéma d'animation. Donc ça, c'est pas étonnant de les retrouver là, et on retrouve plein d'autres choses. C'est assez étonnant. Des choses très rares. Hein. Oui, c'est assez étonnant. Oui, je connais rien là-dedans. Moi, j'en ai vu aucun non plus. C'est assez étonnant. Comme, c'est la Cinémathèque française a un fonds absolument extraordinaire de films qui, de temps en temps, ils ont l'occasion de sortir des trucs comme ça. Moi, c'est vrai que c'est une vraie découverte, là. C'est assez impressionnant. Oui. Donc, ça sera le samedi 29 octobre à 17h30 à la Cinémathèque française. Ensuite, nous avons l'ENSAD, projection des films. Hein. Il y a plusieurs écoles. L'ENSAD le fait, les Gobelins le font. Les Gobelins, c'est le 26, l'ENSAD, c'est le 27. Donc, sûrement parmi les deux meilleures écoles, on va dire, françaises. L'une plutôt traditionnelle, les Gobelins. L'une qui a absolument, à mon avis, les meilleurs jeunes créateurs qu'on ait vus depuis longtemps, qui sont arrivés sur le marché, à part Philippe qui vient de Superfocom. Oui, mais Superfocom, on verra aussi. Mais c'est là où c'est amusant, c'est que les films de Superfocom Valenciennes, on va pouvoir les voir à Marseille, et ceux de Superfocom Arles à l'Est. D'accord. Ou à Arles, je ne sais plus. Ouais, peut-être en tout cas, il y aura un mélange des deux. Et ceux de l'ESA à Orly, on pourra les voir à Brest. Alors, pour finir à Paris, c'est très bien, il faut mélanger. Pour finir à Paris, quelque chose d'absolument passionnant pour ceux qui aiment le travail de Camille Henrot. Tu vas peut-être pouvoir nous en parler un petit peu plus. Donc, Room Movies, qui est une exposition de cette jeune réalisatrice qui avait marqué tout le monde avec Histoire de Césaria, qui, comme par hasard, vient de l'ENSAD. Alors, je crois que tu as beaucoup travaillé avec elle, donc je t'écoute. Travailler avec elle. Pas travailler avec elle, tu as beaucoup travaillé à cette exposition. Je l'ai reçue, effectivement. Je suis le premier à l'avoir reçue à la radio dans cette émission, il y a de ça quelques années, parce que j'ai beaucoup aimé Histoire de Césaria, qui a été primé d'ailleurs à Annecy. Tout à fait. Tout à fait. Annecy, un film de fin d'études. Prix du jury. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui s'est orienté depuis son film de fin d'études, finalement vers des choses plus institutionnelles et art contemporain. Donc elle fait des travaux pour des galeries, par exemple, et des choses plus institutionnelles, en fait, des installations, des choses comme ça aussi. Et là, en fait, dans le cadre de cette exposition, elle a retravaillé sur des films existants, en fait. Elle a retravaillé l'image directement, elle a transformé des films. Il y a même un film pornographique dedans. Et on a fait une histoire d'amour, c'est quand même bien. Wow. Belle performance. Donc ça, voilà, c'est un travail de plasticien autant que de cinéaste d'animation. Et je crois que elle a beaucoup de choses à faire passer. Et je crois qu'il faut pas rater ça. C'est à la fois une exposition, donc exposition de travaux plastiques, et ses films retravaillés comme ça directement sur la pellicule. Elle a fait un clip aussi comme ça, sur cette technique-là. Tout à fait. Et Bonus, qui est en compétition à Annecy aussi. Tout à fait, exact. Voilà. Et elle a travaillé aussi sur La Nuit des Morts Vivants de Romero pour les fans d'horreur. On a de voir ça. C'est étonnant. Est-ce que dans les deux minutes qui nous restent avant la première pause musicale, quelque chose d'autre à Paris ou dans la région, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, vraiment, on ne pourra pas tout dire lors de cette émission, mais quelque chose qui paraît important. Je voudrais mettre autre chose en avant, c'est le studio Double Maître Animation, qui est dans le 11e arrondissement, juste à côté d'ici, 27 rue de la Folie Regnault, qui va ouvrir ses portes. Alors, c'est le studio qui tourne une série qui passe actuellement sur Canal+, Les Devinettes de Renette. Oui, qui est très intéressante. Voilà, alors c'est pour les enfants, mais c'est terriblement inventif, drôle. Enfin, c'est vraiment, on est content que ça passe sur Canal+. Les enfants réagissaient dans la salle d'eau, c'était un véritable plaisir. Ouais, c'est un vrai bonheur. Et donc, ils vont ouvrir le studio, qui est un petit studio, c'est une petite équipe. L'équipe va recevoir les gens, montrer comment ils travaillent, exposer les décors, etc. Voilà, donc ça à ne pas rater, c'est le 26 de 17h à 19h. Il y a 2 heures, peut-être plus si affinité. Voilà, ça, c'est une occasion assez rare. On essaye de faire de ça rentrer à chaque fois dans le cadre de la fête. D'accord, bon, parfait. Alors, première petite pause musicale, on va écouter un morceau du dernier film d'Hayao Miyazaki qui n'est pas son plus réussi, mais qu'on va voir, je pense, pas mal de fois lors de cette fête du cinéma, Le Château Ambulant. On écoute. Thank you. C'est toujours Bulle de Rêve, la radio 100% animation, l'émission 100% animation, malheureusement pas la radio encore, bientôt. Et donc vous écoutiez une composition de Joizashi pour le dernier Hayao Miyazaki, Le Château Ambulant. Nous parlons donc toujours de la fête du cinéma d'animation, avec notamment Olivier Catrin et un peu plus tard Philippe Grammaticopoulos. Mais maintenant nous allons parler de... C'est reparti. D'un réalisateur polonais qui est reçu donc par la PKA. Et nous recevons Jessica Bongibo pour nous en parler un tout petit peu. Alors, allez, je te laisse dire le nom du réalisateur. Daniel. Daniel Szczechura. Voilà, c'est quand même mieux dit que quand j'en parlais moi-même. Le cinéma polonais, Olivier, tu peux nous dire quelque chose sur le cinéma polonais ? Moi, j'ai trouvé quelques petites choses sur le cinéma polonais, mais je te laisse. Cinéma polonais, cinéma d'animation polonais. Le cinéma d'animation polonais, bien sûr, oui. Et oui, comme dans tous les pays d'Europe de l'Est, il y a un cinéma d'animation qui s'est développé, il y a les studios d'État, et donc une production très importante. Et peut-être s'il y a une spécificité du cinéma d'animation en Pologne par rapport aux autres pays environnants, c'est que la partie animation pour adultes a été particulièrement développée. Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté, qui ont vraiment fait des films d'auteur pour adultes, des images artistiques très, très innovantes. Il y avait aussi à côté du cinéma pour les enfants, bien sûr, qu'on connaît aussi. Et puis aussi un humour. Ouais, c'est ce que j'ai... Un humour très, très marqué, mais on retrouve ça aussi dans le cinéma en vue réelle. C'est l'humour polonais, probablement. Et il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans ces films-là. Une satire sociale, une espèce de dérision comme ça, de regard très acéré sur la société, sur les individus. Alors, je vais faire un rapide résumé aussi. Bon, et puis après, Jessica nous dira un petit peu. Donc, en effet, alors moi, j'ai trouvé dans Cartoons, la Bible de Gian Alberto Mondazzi, le début du cinéma polonais d'animation en 1917, avec un certain... C'est reparti. Félix Kuskowski, je suis désolé, qui réalise donc le flirt des chaises et le télescope en deux extrémités. Par la suite, on a plein de noms comme Zenon Wasilewski ou Wlodzimier Arp et Alina Bielinska qui réalisèrent le premier long métrage d'animation polonais, Janosik, en 54. J-A-N-O-S-I-K. Et bien sûr, nous. Dans toute l'Europe de l'Est, hein, parce qu'il y a eu des films pour aller chez les Tchèques, chez les Slovaques, chez les. Enfin... D'accord, donc c'était vraiment. Ouais. Et nous, on connaît bien sûr plus des gens comme Yann Lenica ou Valérien Borovic, qu'on connaît plus évidemment, qui ont émergé notamment dans les années 60. Puis après, il y a une nouvelle génération dont l'un des plus connus, parce qu'en plus il est vidéaste aussi, c'est Zbigniew Rybinski, qui est passé par la suite aux États-Unis pour faire notamment quelque chose de très drôle qui était Steps, qui se passait. Sur les escaliers du cuirassé Potemkin et qui était très étonnant. Philippe, non, tu voulais... Je pensais l'avoir vu, mais je suis plus sûr. Zbigniew Rybinski est plus connu évidemment pour Tango, qui avait eu à la fois le Grand Prix à Annecy, qui avait eu l'Oscar, et cette répétition des personnages. Alors bon, maintenant on a parlé Olivier et moi, on va laisser parler Jessica du cinéma polonais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a dit qu'on a eu tort ou des choses qu'on a oubliées qui étaient vraiment importantes? Je ne suis pas historienne de l'art, donc je ne pourrais pas en dire plus précisément... beaucoup de choses, mais effectivement, c'est ça, oui. Il y a vraiment quelque chose qui est assez typique du cinéma d'animation polonais. Il y a l'humour, il y a la façon d'en parler, de parler des choses de la vie. C'est assez proche de l'expérience de tous les jours. Alors, l'expérience de tous les jours, elle est terrible en Pologne, parce qu'il y a un film de Daniel Szczechura que j'ai découvert, qui est un homme qui se prépare tranquillement. Oui, le saut. Voilà, il se prépare, il y a une belle musique classique, et à la fin, tout simplement, il se jette par la fenêtre. C'est un moment tragique. C'est un humour en effet assez particulier, ouais. L'humour polonais. c'est la fin des années 70, donc c'est pas les meilleures années qui ont pu être vécues en Pologne, en tout cas. Alors donc, pourquoi cinéaste ? Parce qu'il y en a quand même quelques autres qui ont été aussi importants. Pourquoi la PKA a décidé d'un seul coup plutôt lui. Je pense que il y a beaucoup de hasard là-dedans. En fait, on s'était rendu à Beaubourg l'année dernière. Il y a eu une rétrospective de cinéma d'animation polonais et j'en ai vu d'autres. J'ai vu Lenica, j'ai vu Rybczynski, j'en ai vu pas mal. Mais c'est vraiment Szczechura qui est ressorti du lot et qui a fait vraiment sens pour moi parce qu'il correspond à certaines idées de la... Il y a un sens artistique assez fort et qui se détache du lot qui participe à une espèce de polonité aussi. D'accord, alors pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter un petit son. Nicolas veut bien nous mettre ce petit son. C'est une musique d'Edouard Palas, P-A-L-S-Z, d'un film qui s'appelle Conflicti, conflit en français. Alors, Palache. Voilà, Palache. Non, c'est bien, il faut me reprendre, c'est important. Qui est un film en découpage. Hein. C'est, donc les décors, évidemment, sont en dessin. Puis les personnages, quelque chose de très, très courant quand même à l'Est. Hein, les films découpage, sûrement économiquement, c'était aussi beaucoup plus viable que de faire... Ouais. De 100 dessins et des animés. Mais, mais dans les œuvres de Chechura, c'est aussi un choix. Il revendique une certaine paresse comme ça. Et ça l'agace de voir des gens qui travaillent 2 ans sur des films de 3 minutes. Il va aller à l'essentiel et le découpage, c'est une formidable technique pour y arriver. Alors là, pendant la musique, tu me disais que c'était son film de fin d'études. S'il est paresseux par rapport à l'animation, il n'est pas paresseux par rapport au thème. Mais c'est un thème qui est assez étonnant parce que c'est des 1960. Je raconte rapidement le film. C'est un film très satirique, en effet, sur la censure. Puisqu'en effet, tu peux nous raconter après tout. Il y a des inserts de films... film, pas d'animation, mais de film, qui est montré à un public, et dans ce public, on voit les censeurs qui n'applaudissent pas, il revoit son film, et le film est remontré, et tout le monde applaudit, personne n'applaudit sauf les censeurs. Alors ce que dit pas Jessica, et c'est là où les Polonais, c'est quand même très particulier, c'est que quand ils voient le premier film qui est montré, qui est un film muet, style muet, tout le monde se tue. C'est à trois, c'est l'amant et la femme, voilà, et le mari arrive, tue l'amant, la femme tue le mari, se tue après. Et là, tout le monde applaudit dans la salle, tout le monde est très heureux. Et ensuite, c'est en noir et blanc, et le film est refait. La censure demande à ce qu'on refasse le film. Et là, il est en couleur, et c'est plutôt vaudeville. L'amant se cache derrière, réussit à s'en tirer pendant que la femme embrasse son mari. Et c'est une fin heureuse, et tout est bien. Mmh. Et là, il n'y a que les censeurs qui rigolent. Donc, très étonnant déjà comme premier film. Je pense qu'il y a, Olivier, notamment dans le cinéma d'animation polonais, mais ce n'est pas seulement vrai en Pologne. Le fait que ce soit des petits films comme ça d'animation, ça leur a permis de dire beaucoup de choses qu'ils n'auraient peut-être pas pu dire dans les formats. Comme c'est des métaphores politiques. C'est le court-métrage. Parce qu'aussi, dans les courts-métrages, il n'y a qu'à voir les films, les courts-métrages de Skolimowski ou de Polanski, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont quand même très virulentes, socialement, politiquement, qui ne seraient jamais passées à la censure. Ce qui est très étonnant quand même avec ce film-là, c'est qu'autant La Main, par exemple, de Trenka, qui est un autre film très politique, joue quand même énormément sur les images. Et, bon, je ne dis pas qu'on comprend rapidement ce que ça veut dire, mais quand même, il joue, alors que là, c'est cash, comme on dit. Il ne tourne pas autour du pot, on sait de quoi il parle. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu l'état de guerre qui a été déclaré en 1981, et la plupart des productions ont été réalisées avant cet état de guerre, et elles ont été diffusées bien après le 1981, et c'était aussi un moyen pour le général Jaruzelski de montrer que tout ne se passait pas aussi mal qu'on pouvait le croire, et qu'on pouvait encore faire des choses, mais c'était un peu fermer les yeux. Ils n'étaient pas forcément montrés en Pologne. Ça pouvait être montré en Pologne, mais plutôt dans les cercles fermés. Ça permettait en fait de les montrer Mais la public contestation artistique a passé aussi beaucoup pour les artistes, en boycottant les théâtres, les lieux institutionnels. C'était pas forcément que par les productions en elles-mêmes. D'accord. Plus en réponse. Un boycott. Alors, il y a le côté politique, et puis il y a surtout, moi, ce qui m'a énormément surpris, c'est une vraie recherche esthétique et d'animation, avec notamment, sûrement, alors j'ai lu ça, c'est encore Gianni Alberto Benedetti qui dit que c'est son chef-d'œuvre. Et puis Olivier Cotte, dans son livre aussi sur ses animations, dit aussi que c'est son chef-d'œuvre. Et c'est vrai qu'en le voyant, c'est quand même assez impressionnant. C'est Fata Morgana 1 et 2, qui est un énorme immeuble de béton, en fait, qui part en voyage avec ses locataires, qui bloque à un moment donné une voie ferrée. C'est assez étonnant comme, ouais. Comme film. Mais à la fois, l'histoire n'est pas basée sur grand-chose. C'en est contemplatif du début jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est assez beau. C'est assez long, mais... Il y a une vraie recherche, recherche au niveau des mouvements de caméra, quelque chose qu'on retrouve dans le deuxième film du programme, qui est Le Fauteuil, comme ça j'ai prononcé en français, ce sera plus facile, où en fait on voit tout en plongée. On est en fait en plongée et on voit tout le film est fait en plongée, c'est assez étonnant. Et c'est tout un jeu sur un congrès, puis il y a une place de libre. Et le contenu est là aussi. Et le contenu est là aussi, tu l'as vu, hein, c'est assez étonnant comme film. C'est très, très, très surprenant. Donc il y a tout ça dans ce réalisateur. C'est riche, inventif et ça a traversé les décennies. Je trouve sans... Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que d'un seul coup, on a ce mélange entre en effet le politique, l'esthétique, la réalisation. Alors moi, mon préféré, Olivier va peut-être nous dire si dans sa mémoire, peut-être qu'il les a pas revus récemment, moi j'ai eu la chance de les revoir récemment, mon préféré dans le programme qu'il nous présentait, parce que c'est pas tout quand même, il n'y a pas tous ces films. C'est une sélection du réalisateur qui pense que c'est ce qui reflète le mieux cette production artistique. Son cinéma, alors, parce que moi, il y en a que j'adore absolument, qui est un film très hypnotique, qui ne passerait plus du tout, mais plus du tout à Annecy, qui serait sifflé normalement au bout de 2 minutes, et pourtant le film fait 6 minutes, on a l'impression qu'il en fait 25, mais c'est dans le bon sens du terme pour moi. C'est le film, alors s'appelle, je vais y arriver. En polonais d'abord, en français ensuite. Je te remercie. Podrouche. Voilà, j'ai essayé de bien le faire. C'est Le Voyage, qu'un film des années 70, qu'un film absolument étonnant avec un homme qu'on voit au départ dans un train de dos, et il y a que les poteaux en fait électriques, et il y a de la musique à ce moment-là. Il y a un son qui arrive. Que le paysage derrière qui défile. Et le paysage derrière, on voit juste, voilà, ça change. Il arrive visiblement dans sa maison, dans une maison qui est désertée, dans un village qui est déserté, il décide de reprendre le train et de repartir. Et c'est un film, alors il faut vraiment le voir comme une expérience aussi, qui est complètement hypnotique. Olivier, tu l'as vu ou tu te rappelles ? Je l'ai vu, mais il y a vraiment longtemps, il y a bien 10 ans. Et c'est vrai que j'en garde un souvenir, je garde des images en fait, les images, et peut-être même plus que ça. Et les images qui restent sont très fortes en fait. Hein, c'est je l'ai pas vu depuis, mais tout de suite ça m'a... Ouais, c'est un film très surprenant, ouais. Jessica. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors vraiment, en tout cas, c'est une vraie découverte. Merci beaucoup pour nous faire découvrir ce grand auteur polonais qui, je l'avoue, je connaissais ses films. En revoyant ses films, je me suis dit, ah oui, celui-là, je l'avais vu, mais je ne connaissais pas forcément le nom du réalisateur. Et c'est toujours passionnant de remettre un nom sur des œuvres qui ont marqué le cinéma contemporain. Et c'est toujours passionnant. Et c'est bien que la fête, parce qu'on va en parler juste après, la fête puisse aussi servir à ça, parce que la fête sert dans beaucoup de villes, et c'est déjà bien, mais ils prennent le nom fête du cinéma d'animation et passent le dernier Miyazaki, le dernier Wallace et Gromit, et là au moins, c'est une vraie découverte. La seule petite chose, c'est dommage que ça ne soit qu'à Paris. Oui, c'est dommage, mais y a, pour ceux qui ne pourront pas venir le soir, ils peuvent se rattraper, il y a une masterclass qui est organisée à l'ENSAD avec donc, le réalisateur Daniel Sztyrhura, et Marcin Giżycki, qui est le spécialiste du cinéma d'animation polonais. Ils viennent tous les deux spécialement de Pologne pour nous parler de l'histoire, parce que c'est aussi important, le cinéma d'animation polonais a son histoire. Et Daniel Sztyrhura sera là aussi en tant qu'enseignant, puisque, pour parler aussi des techniques de cinéma d'animation. D'accord, donc un site internet un site internet alors. Donc c'est p-k-a.net. Parfait, donc là on aura toutes les... en plus... Ou le site de l'AFCA. Le site de l'AFCA, Olivier. On va dire souvent comme ça les gens, le site de l'AFCA. www.afca.asso.fr. Et là, quand vous rentrez sur le site, vous allez dans le chauffe-eau, là, vous tombez dans une cuisine, vous cliquez sur le chauffe-eau, faites du cinéma d'animation. On vous avait dit qu'ils étaient barges dans l'animation. Voilà, même l'AFCA. Est-ce que PKA, Polska Kultura Alternativa, fait des choses toute l'année sur l'animation ou c'est vraiment là d'un seul coup exceptionnel ? C'est complètement exceptionnel, ponctuel. On a plus fonctionné sur un coup de cœur et on en est très contents. Eh ben, il faut continuer parce que c'est vraiment passionnant. C'est vraiment une vraie, vraie découverte. Je le conseille à beaucoup de monde. Ça sera alors le 28 octobre, toute la journée, de 16h à 19h d'abord à l'ENSAD. Et ensuite, le 28 octobre à 21h au cinéma du Panthéon. Voilà. Alors, Olivier, maintenant qu'on a fait le tour de Paris, un peu d'Île-de-France, on va parler un tout petit peu quand même, même si moins de gens nous écoutent, mais du reste de la France. Ah oui, il y a des choses partout. Qu'est-ce qu'il y a qu'il faut absolument aller voir? Je signale qu'on ne fête pas la journée mondiale en Pologne, donc il faudra rectifier ça l'année prochaine. Voilà. Je compte sur Jessica. Sinon, on nous écoute en Pologne, de toute façon. Donc, voilà. Dans toute la France, oui, il y en a. On peut prendre quelques événements à droite à gauche. D'abord, on va commencer évidemment par parler de Serge Cormann, qui, comme chacun le sait, est un Alsacien, strasbourgeois. Et donc, vous connaissez la verve de Serge Cormann si vous êtes un habitué de l'émission. Et que je ne désespère pas, comme j'ai dit d'ailleurs, de vous faire revenir à l'émission tant il nous manque. Donc, en effet, Et donc, Serge présentera une séance à la Maison de l'Image à Strasbourg. Sur le thème des beaux-arts dans l'animation, où il va montrer les films et commenter et quels films, hein, entre la bataille de Kerjenets de Yuri Norstein, qui est quand même une rareté étonnante, ou La sirène d'Alexandre Petrov, ou des choses beaucoup plus contemporaines comme Raging Blues de Vincent Parrenot et Lionel Mathieu. Enfin, c'est voilà, à découvrir, quelque chose d'étonnant. Dans le nord de la France, on aura droit à deux nuits de l'animation qui est cette année. Alors, il y en a une qui est hors date de la fête, parce que je parle de 250 événements dans le cadre de la fête. Mais en fait, si on compte de tout ce qu'il y a avant et après la fête, on doit en avoir 350. En fait, c'est à peu près ça. Donc, ce qui est plutôt bien. Ce qui est très bien, oui, il y a des gens qui font après, avant, qui continuent, qui s'arrêtent plus. C'est très, très bien. Donc, il y a une nuit de l'animation à Lille, au Théâtre Sébastopol, comme tous les ans, mais qui a lieu à peu près une semaine avant la fête. Et elle aura lieu pendant la fête à Dunkerque, avec plein de choses extraordinaires, des longs métrages, des séries, des courts métrages du monde entier, enfin plein de choses. Alors juste tout à fait étonnantes. Petite chose, en effet. Donc il y a des rencontres audiovisuelles à Lille juste avant, voilà, qui sont C'est organisé par les rencontres audiovisuelles. 22-23. Ils appellent ça la fête de l'anime. Bon, voilà. Voilà. C'est la version lilloise. Tout à fait. C'est passionnant. Moi, j'y suis allé l'année dernière. J'ai la chance d'y retourner cette année pour faire un. Vous pourrez écouter Alexis. Une conférence. Merci Olivier. Non, pas moi. Vous écouterez surtout, et ce sera beaucoup plus intéressant que moi. Il y aura une conférence samedi après-midi sur la mort de l'animation traditionnelle dans le long métrage animé. Et pour l'instant, donc, on aura droit à Franck Dion qui prépare son long métrage, Sébastien Lodenbach. On aura aussi Bénédicte Calup, si je dis bien, qui est la co-réalisatrice de Kirikou et les Bêtes Sauvages. Et on désespère pas d'avoir encore deux ou trois autres personnes pour nous parler un petit peu de ce qui me semble irréversible dans l'animation. On en parlera donc Lille, qui aussi fêteront un peu plus tard, toujours à Lille, les 20 ans. Non, les 10 ans. Les 10 ans. Les 10 ans. C'est pas à Lille, c'est juste à côté, c'est à Tourcoing. C'est au Frénois, un fameux lieu de cinéma et d'art contemporain. Donc les 10 ans des films du Nord, qui est un producteur qui a vraiment fait sa place dans le milieu de l'animation en France et en Belgique et en Europe, on va dire, avec des courts-métrages de grande qualité. En effet. Et il y aura un ciné-concert, je vais vous le dire un petit peu plus tard, un ciné-concert sur Chahut, qui est l'un de nos films préférés. Je vous en ai parlé déjà la dernière fois, de Gilles Cuvelier, qui est un film étonnant. Et là, il y aura un ciné-concert, donc un orchestre jouera de nouveau, jouera une autre partition sur le film. On attend ça avec impatience. Alors, plein d'ateliers aussi, ça c'est passionnant. Il y a plein d'ateliers un peu partout. Il y en a à Mont-Sambre-Libos, je ne sais pas où c'est, mais c'est en Aquitaine, voilà. 47. Il y en a à Orthez, en 64. Je ne sais pas où les faire tous, mais c'est assez passionnant parce qu'il y en a une quarantaine, en gros, pendant la fête, des ateliers pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Pour découvrir qu'à la fois l'animation est quelque chose de magique et de passionnant, mais à la fois difficile à faire quand même. Même il y a une école d'animation, l'école des métiers du cinéma d'animation à Angoulême, donc qui accueille le public et les étudiants sont là avec les profs et ils font les films avec les visiteurs. Voilà, donc une initiation en direct comme ça sur une journée. Ça c'est passionnant. C'est vraiment une bonne idée de montrer aux gens comment est fait l'animation. C'est vrai que le côté magique est important, mais le côté un petit peu, et Philippe peut nous en parler un petit peu, mais tous les jours travailler 20 fois pour finalement avoir une seconde, si des fois ça marche et des fois ça marche pas, c'est quand même assez passionnant. Il va y avoir une exposition, alors évidemment, le grand vent Japanimation marche toujours, et donc on aura une exposition sur le studio Ghibli, qui va se passer notamment dans la région centre. Là, j'ai Bourges. Ouais, c'est trois médiathèques de Bourges, en fait, qui travaillent toujours ensemble, donc en trois lieux différents de la ville. Et voilà, exposition sur Ghibli ou Ghibli, d'ailleurs, j'ai jamais su. Je crois que c'est Ghibli. Bon, alors c'est Ghibli. Mais en fait, je crois que c'est Ghibli. Mes années de japonais ne me servent pas, et ce n'est pas grave, sans tout le monde sait. Dans les expos aussi, il y a les films du... la Guillonie, tout à fait. Laval, il y a les films du Préau. Pardon, oui, tout à fait. Jean-Michel Serrange. Jean-Michel qu'on va pouvoir rencontrer un petit peu partout, qui est vraiment quelqu'un de très. Ah oui, qui est très agréable. Il a du temps très très chargé. Il y a une rétrospective avec l'intégrale de son travail au Luxi à Ivry-sur-Seine. Et la semaine d'après, d'ailleurs, après la fête, il sera présent lui-même, puisque la rétrospective continue. Pendant la fête, il est un peu occupé, puisqu'il est à Brest et à Laval, n'est-ce pas ? Et peut-être à Montpellier. Wow. Mais c'est bien, c'est quelqu'un qui est vraiment disponible et qui parle, ouais. qui adore évidemment son métier, comme beaucoup de gens de l'animation, mais vraiment qui transmet énormément. C'est un timide qui communique très bien, en fait. Tout à fait. Et il en parle avec beaucoup de passion. Tout à fait. Alors, une expo sur Starevitch, les contes de l'horloge magique, à la Maison Folie à Maubeuge, ça aussi, et sur l'animation en volume en général. Donc plein de choses, il y a un voyage au pays animé à la Haie les Roses avec peut-être Jean-Pierre Pagliano qui sera là, c'est ça qui présentera avec donc pas très original au niveau des films, c'est Wallace et Gromit, R.A. et Ghost in the Shell 2, mais quand on sait le talent de Jean-Pierre Pagliano qui est déjà venu ici, journaliste, on sait que ça sera forcément passionnant. On a fait quasiment le tour. Est-ce qu'il y a l'animation africaine à découvrir à la médiathèque des Carrés d'Art à Nîmes, par exemple, c'est en fait une reprise plus ou moins de ce qui avait été passé pendant le festival de Paris qui s'appelle en partie, de Paris qu'il faut absolument voir. En effet, l'Afrique s'anime, donc jeudi 27, vendredi 28, samedi 29, avec plein de choses, les films de Mustapha Alassane, Henri Etzik, Kadiatou Konaté, Jean-Michel Kibouchi, Njate Wutu, vraiment des choses incroyables, vraiment des très bonnes choses, des choses faites avec et vraiment le cœur, et moi qui m'ont beaucoup touché quand c'est passé à Paris, c'était assez étonnant. Vous entendez peut-être, Olivier et moi, on tourne les pages pour essayer de voir s'il y a encore deux, trois petites choses. Programme de court-métrage européen dans le Gard, avec la présence de réalisateurs comme Jérémy Clapin ou Cécilia Mareos Marum. Jérémy Clapin qui était dans cette émission il n'y a pas longtemps, si je ne m'abuse. Pour une histoire vertébrale absolument passionnante qui était à Auch, qui a eu un prix, qui a eu, enfin, pas tout à fait un prix comme il le disait lui-même, mais en tout cas qui est vraiment... Une mention qui est passionnante. Je sais que le régulateur passe quelque part. Philippe, est-ce que tu sais où est-ce que le régulateur passe? Prochainement, je ne pourrais pas... Parce qu'il passe pendant la fête de l'animation. Ah oui, mais alors là... Vous voulez dire pendant la... je ne sais pas. Je sais qu'il passe, je l'ai noté. Et je vais le retrouver tout à l'heure, je vous le promets. Moi, je ne m'en rappelle plus. C'est Angoulême, fête de l'anime aussi. Évidemment, Angoulême, à l'MK, où l'MK va recevoir en effet des gens. Et donc, voilà... Un tout petit peu déçu par Annecy, mais Olivier, on en parlait, va nous dire un tout petit peu. Alors, on va croire que c'est de l'acharnement contre Annecy. Pas du tout, c'est que Annecy fait un best-of du festival. Alors, moi, best-of du festival d'Annecy, quand même un festival qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. On se dit, on va avoir des choses incroyables. Je vous dis rapidement ce qu'ils vont nous montrer. Il va y avoir In the Rough de Paul Taylor et Gopher Broke de Jeff Fowler, de petits cartoons rigolos. C'est quand même sans grand intérêt. Alors, on va avoir aussi Flick and Flitch, Four Quadrat, Kopfeu de Stéphane Flintmüller, qui a autant d'animation que, je ne sais pas, moi... un mail de Nicolas Sarkozy. Non, là, je m'égare. Pardon, excusez-moi. Ça a vraiment peu d'intérêt, juste le côté fun. Il nous passe Nibble, Some Drum, qui sont Jerry's Game de Yann Pikawa. C'est des choses, Pikawa, qui sont intéressantes, mais il n'y a pas Nordenstein, il n'y a pas Zwankmeyer, il n'y a pas de gens importants. C'est des films assez récents, dans l'ensemble, mais quand même Gagarine... C'est le seul. Ouais, c'est le plus ancien. Ça s'appelle Best of Festival d'Annecy quand même. Il y a quand même des choses intéressantes. Le contraire, c'est juste Best of Festival d'Annecy, pas 2005, mais 2001. Enfin, on pourrait en avoir un petit peu plus. City Paradise, qui est un film étonnant. C'est vrai. On a vu lors du dernier festival. Alors, deux partenaires, on va s'adresser. Arte, pour ceux qui ne vont pas en salle au niveau de la télé, il y a Arte. Passerait quelque chose le 26 autour de minuit, ça, dans court-circuit, qui annonce et qui passerait, parce que moi, j'ai pas vu s'il passait des films ou pas. Ils n'ont pas annoncé encore, je sais plus très bien. Je suis pas sûr qu'ils passent de l'anime. Ils vont en passer, ils en passent, mais on sait pas encore quoi. D'accord. Animeland.com, une fête, tu peux nous en parler un tout petit peu de la fête? Concours de la fête. Oui, c'était l'idée de lancer un concours de création pendant la fête. Donc en juin, on lance un thème. En l'occurrence, cette année, c'est l'ombre et lumière, c'est le thème. À faire. L'année dernière, c'était le voyage dans les airs. Et donc, l'idée, c'est de réaliser, entre juin et fin septembre, un film d'animation vectorielle, donc pour Internet, en moins de 2 minutes. Voilà. Et donc, on sélectionne un certain nombre de films, on va le faire bientôt, qui seront mis en ligne une semaine avant la fête, et puis les internautes choisiront ceux qu'ils préfèrent. Et les 3 films choisis seront projetés le 28 au soir. Parfait. Voilà, sur ce thème. Donc à Beaubourg pendant la séance Ombre et Lumière. Voilà, l'année dernière on avait un candidat belge et cette année on a des candidats sénégalais. Sympa. C'est intéressant. Est-ce que tu peux nous parler, retrouver, parce que c'est assez étonnant ce qui se passe à Toulouse, au cinéma Tortura? Non, c'est pas un cinéma Tortura. Alors on va retrouver. C'est pas un cinéma, alors on va retrouver ça, on va vous dire ça après. Alors parce que... à Toulouse, il y a une association. Après, non? Non, vas-y. Ouais. Il y a une association qui s'appelle La Ménagerie. Et La Ménagerie, elle produit des films, elle fait des ateliers, elle a un projet de maison de l'animation, pas à Toulouse exactement, à Tournefeuille, qui est juste à côté. Et ils font des tas de choses dans la région. Et donc, par exemple, ils proposent... Alors, j'ai essayé de retrouver parce que je me rappelle plus très très bien ce que c'est dans le détail parce qu'ils inventent des trucs tout le temps à chaque fois. Ils proposent en tous les cas ce que je connais mieux. C'est pour ça que j'ai surpris. Voilà, ça s'appelle Caméra Tortura. C'est à la Cinémathèque de Toulouse. Et c'est dans le cadre... Je vous dis exactement ce qui est noté. Dans le cadre du festival, les petits et l'écran, les jeudis 27 et vendredi 28 de 10h à 17h, vous écoutez bien, un stand de cinéma d'animation se déroulera autour du thème de la torture. Les enfants, j'ai bien dit les enfants, pourront y découvrir différents trucages tout en réalisant de courtes séquences en prise de vue image par image. Les animations seront ensuite diffusées sur grand écran. Comment faire votre enfant pour que votre enfant devienne un bourreau? Amenez-le à Toulouse, à la Cinémathèque. C'est quand même étonnant comme idée. Et ils organisent dans le Tarn toute une série d'ateliers qui s'appelle le Schmurz. Et le Schmurz, c'est de l'animation en pixelation, en fait. Ou alors, ils amènent des décors sur une thématique, par exemple le western. Et les gens du public viennent et ils font l'acteur en pixelation, en fait, et ça fait un petit film à la fin. Donc vous imaginez, ceux qui ont d'abord été à Toulouse pour faire la torture, ils vont ensuite faire le Schmurz et feront de la torture en vrai, en pixelation. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. C'était la fête du cinéma d'animation. C'était non, puisque ça va être du 26 octobre au 1er novembre, avec un petit peu plus donc, de temps pour ceux qui seront à Lille notamment, ouais, puisque ça commence l'année prochaine. Ce serait bien, ouais. Parce que c'est passionnant. Et puis, la journée mondiale, partout, en Afrique, en Australie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe bien sûr. Mais... En Afrique, c'est étonnant, ça c'est bien. Au Cameroun, au Ghana, au Sénégal, en Algérie, au Maroc, qu'est-ce que j'oublie, au Bali. Alors, tout n'est pas sur le site, si, même bientôt, ça, plus pour bientôt, le programme de la journée de mondiale... bientôt. Ok, alors on répète une dernière fois, pas une dernière fois, on le répétera, mais le site internet de l'AFCA. Ouais, www.afca.asso.fr. Et Jessica va nous rappeler le site de PKA. De PKA, P-K. A.net. Voilà, c'est le tiret du milieu, sous le 6. Hein. Voilà, donc c'était la fête du cinéma d'animation. Merci beaucoup Olivier et Jessica de nous en avoir parlé. Juste après, on passe à Philippe Grammaticopoulos qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait en ce moment. Pour l'instant, on va écouter ce qui nous fait très plaisir à Bulle de Rêve, une nouvelle petite séquence, donc Critiques en Herbe, avec 4 jeunes qui ont été voir Wallace et Gromit et qui vont nous en parler. On écoute ça maintenant. Je m'appelle Oscar et j'ai 6 ans. Je m'appelle Elena et j'ai 8 ans. Je m'appelle Souel et j'ai 9 ans. Je m'appelle Manon et j'ai 7 ans. Au début, il y a un lapin qui va dans tous les potagers, qui ronge tout. Il y a Wallace qui décide de faire un lavage de cerveau à un lapin. Et sauf que quand il y a Gromit qui pousse le bouton, il donne le cerveau du lapin à Wallace. Oh, Gromit, s'il te plaît. Ça recommence. Je vais avoir besoin d'aide. Est-ce que... J'aime comme personnage, c'est surtout Gromit, car c'est un chien. Et puis moi j'adore les chiens. Et surtout que dans ce dessin animé, il est très très beau et ben, je l'aime beaucoup. Moi, c'est que Wallace. Parce que il s'est mis beau avec sa casquette, avec son déguisement bleu et avec sa voiture bleue. Moi, je l'ai bien aimé parce que, c'était parce que les personnages, ils étaient faits en pâte à modeler. Et ils construisaient beaucoup de machines imaginaires que personne n'a jamais, même Albert Einstein, il n'a pas pu les inventer. Ma machine préférée, c'est à chaque fois qu'il se levait, le lit se penchait comme ça, quand il y avait une alarme qui sonnait. Et ils glissaient dans des toboggans, après ils avaient le café, leur café prêt et tout. Service, la nuit a été rude, longue et agitée, on n'a pas chômé. J'ai les crocs, heureusement que tu vas m'apporter un solide petit déjeuner. Double portion ce matin. Vas-y, j'ai une faim de loup. Moi j'aime bien aimer quand il y a le chien du chasseur qui parce qu'il n'y a plus de pièces dans l'avion. Alors il prend son porte-monnaie où il y a des fleurs, alors qu'il est très très méchant, il a des dents super pointues. Voilà, bon, ça me fait très rire. Quand Kromit est le chien méchant, et ben il... Quand ils avaient la pelle, et ben, il y avait le chien méchant, et ben, Kromit il a fait comme ça, et l'autre il a fait, il a lancé à Kromit comme ça, et avec comme ça, et après ils ont continué de se bagarrer dans l'avion. Et d'un seul coup, il y avait une descente comme ça, et comme ça. Ça m'a plu parce que ils allaient trop trop vite et que le chien il allait trop trop hyper vite et ça cassait des bouts de l'avion avec son hélice. Ce que j'ai aimé, c'est quand ils attrapaient tous les lapins. Et ce que j'ai pas aimé, c'est quand voilà s'il devient un lapin. Parce que ça fait un petit peu peur et ben, moi aussi j'ai peur. Tous les lapins et ça passe dans un tunnel et ça vient dans le tuyau et après dans la boule à vitre et ben les lapins s'envolent, bougent et volent comme ça. Ça dépote, hein, mon petit gars. La Spigarène VV6000. Ça impressionnera la cliente. Il y en avait des scènes de tristesse, des scènes d'humour, des scènes de... Il y avait toutes sortes de scènes. Mais je crois que comme il y aura des petits enfants, la métamorphose du lapin-garou, je crois qu'elle leur fera un petit peu peur. Ce qui me fait le plus peur, c'était quand il se déguisait en lapin, là. Moi, j'ai pas du tout aimé quand le chasseur avait voulu tuer Wallace. Parce que ça m'a fait un petit peu peur et j'aime pas la violence. Victor, nous sommes bien d'accord. Surtout pas de tuerie inconsidérée. Tout à fait, ma chère âme. C'est pourquoi j'y accorde toute la considération nécessaire. J'espère que vous aimez le lapin au pruno, mes lapins. Victor, non! Les mêmes créateurs, Wallace et Gromit, ils ont fait aussi Chicken Run. Les deux films sont faits en pâte à modeler. C'était les mêmes acteurs qui ont fait ce film. Alors les personnages, ils sont faits en pâte à modeler. Et les immeubles, la maison, tout ça, c'était des maquettes qui sont faites par les réalisateurs. Je crois que c'est du dessin et de la pâte à modeler. Les personnages, ils sont vraiment en pâte à modeler et ça se voit. Il faut être quelqu'un qui adore faire des dessins. Comme ça, il fait beaucoup de dessins et en même temps, il s'entraîne. Donc, et après, il va devenir un grand artiste. C'est un petit peu dur à faire la tête de Gromit et Wallace. Et je crois que c'est un peu dur à faire les mains et les pieds. Mais je crois que c'est facile à faire les jambes et les bras et le ventre. Il faut des années d'entraînement et il faut aller dans une école de pâte à modeler. Faut vraiment avoir une passion pour la pâte à modeler. Ben, la pâte à modeler, je sais pas du tout comment ils font pour les faire bouger, moi. C'est le caméraman qui les fait bouger avec sa caméra. Il a des touches spéciales, mais eux, ils bougent pas. C'est simplement les décors qui bougent. Gromit, il bouge. Et puis voilà, il bouge aussi, mais en même temps. Donc, pour ça, il faudrait plusieurs pour faire bouger les autres. Parce qu'il y en a qui bougent en même temps. Je pense qu'il y aurait des centaines et des centaines de personnes qui travaillent sur ça. Parce que donc, c'est très compliqué. Faut beaucoup d'organisation. Le réalisateur, c'était une bonne pioche, quoi. Ils ont vraiment réussi à dépasser tous les autres films et dessins animés en pâte à modeler. Un an et demi environ pour le faire, c'est très dur. Pour faire les personnages, ça dure un an et les 6 mois suivants, on peut les faire bouger et avec les décors, on les change. Et il faut vraiment le faire strophe par strophe. Ben, ça dure très très longtemps. Peut-être une semaine, je sais pas. Ah non, moi je pense que c'est plutôt des mois et des mois. Parce que il faut beaucoup d'organisation, il faut être tout le monde d'accord, il faut distribuer les rôles. Assistance! Aïe! Oh! Ah. T'es gentil, j'étais coincé. Je pense que le trou a encore rapetissé. Je crois que ça fait un peu peur au petit qui a 3 ans, je crois. Mais ça fait pas peur pour les grands, ni pour les 4 ans, je crois. Ce film, c'est pour tous les âges. Faut vraiment aimer ça. Enfin, tout le monde peut aimer ça. S'il y a quelqu'un qui aime pas, c'est bizarre parce que ce film c'est vraiment très très bien fait. C'est magique. Moi, dans Le Lapin Garou, je trouve que la musique elle fait un petit peu peur parce que c'est un petit peu la musique comme un film d'horreur. À chaque fois qu'on écoute la musique aussi, t'arrêtes pas de la chanter et tu t'arrêtes quand tu t'endors, tu t'arrêtes. Tu peux plus t'en empêcher de la chanter, ça, la chanson. Et ben voilà, on vous a chanté un petit extrait. Et ben c'est bon. c'était Oscar, Manon, Elena et Swell, par ordre d'âge, qui nous racontaient Wallace et Gromit. Merci beaucoup aux parents qui ont tenté l'expérience et ont permis à leurs enfants de voir Wallace et Gromit. Merci à Cyril, qui est le papa d'Oscar et qui a accompagné. Et surtout, merci à Judith Delvincourt, qui est la personne qui a monté, fait les interviews donc, et réalisé ce petit segment d'une plus d'une dizaine de minutes. Très intéressant, avec les enfants qui parlent de nouveau, qui parlent d'animation. Voilà. Wallace et Gromit, on aime tellement à Bulle de Rêve, c'est vraiment notre coup de cœur. Nick Park et on réussit à vraiment garder le plaisir de l'animation, et c'est vraiment de la pâte à modeler comme on l'aime, même s'il y a maintenant du latex, il y a plein de choses. On sent vraiment, il y a des traces de doigts, des traces d'outils encore sur les personnages. Ça bouge, c'est drôle. Ils réussissent là où Chicken Run, je trouvais, n'arrivait pas à réussir sur la longueur. Là, ils réussissent sur la longueur. Le film est drôle. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, Olivier, tu l'as pas vu. Philippe et Jessica, non. Donc, le film est vraiment complètement réussi. Pas tout à fait comme Corpse Bride, dont on parlera tout à l'heure, qui est un petit peu moins réussi. Donc ça, c'est vraiment le film qu'il faut aller voir d'animation. Grand public, évidemment, hein, ça reste très drôle et très sympathique. Et il faut absolument aller le voir, même si en effet, comme nous le disent les enfants, ça peut faire un petit peu peur. Donc merci à tous pour cette séquence. Et allez, comme on aime tellement Wallace et Gromit, et ben on va écouter un petit morceau de la bande-annonce. On écoute. We'll be right back. toujours Bulle de rêve, l'émission 100% animation. Et donc, j'étais absolument dans la musique. C'était la musique de Wallace et Gromit, Le mystère du lapin-garou, de Nick Park. Et je n'oublie pas le co-réalisateur Steve Box. La musique est de plein de gens. Julian Knott, Hans Zimmer a notamment produit la musique. C'est une musique très entraînante. Et comme le dit Manon, c'est une musique qui même ressemble des fois à une musique de film d'horreur. Donc, 19 octobre, absolument aller voir Wallace et Gromit, Le mystère du lapin-garou. J'ai retrouvé Où passe le régulateur de Philippe Grammaticopoulos, dont on va parler de suite. Et c'est à la Cité des sciences et de l'industrie. Ça passe un petit peu tous les jours. Et c'est dans un programme absolument incroyable. Olivier Catrin, donc vous avez entendu de l'AFCA, regrette même, parce que c'est lui qui a suggéré. Et il aurait dû s'en souvenir, tant pis. Et donc, le film de Philippe, le régulateur, est avec aussi Père et Fille de Miguel Dudok-Devitt, Lavage d'Alexandre Petrov, enfin magnifique. Bon, des très très grands noms d'animation, ce qui n'est pas surprenant, puisque Philippe Grammaticopoulos va être un grand nom d'animation, s'il ne l'est déjà. Alors Philippe, bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Déjà, juste par rapport à la fête de l'animation, est-ce que ça te semble important d'avoir une fête, toi qui es dans le cinéma d'animation depuis un bout de temps, est-ce que ça te semble important d'avoir une fête du cinéma d'animation ? Oui, mais je pense que c'est toujours important parce qu'il y a un contact avec le public, on montre des choses, on fait découvrir l'animation justement à des gens qui peut-être n'avaient pas l'occasion de voir de films, et c'est justement un moment important pour voir des films qui passent pas régulièrement. Et pourquoi Philippe ne va pas aussi à la Cité de la Science s'il n'est pas là-bas ? Eh ben, c'est une suggestion, Philippe. Si j'y serais ? Oui. Mais pourquoi pas ? Je savais. Pourquoi en fait, j'ignorais que le. Ben voilà. C'est vrai. Moi, une partie de mon travail, c'est de suggérer aux gens qui montent des films, notamment des courts-métrages, de faire venir les réalisateurs. Ben oui. C'est vrai que je peux pas solliciter tout le monde, ensuite, mais. Ouais. Volontiers. Voilà. Et ben donc voilà. Donc et ben alors je m'en occupe. Philippe Grammaticopoulos sera présent à la Cité des Sciences. Surveillez le site de l'AFCA. Ça va changer. L'heure précise et le jour précis où il sera présent. Parfait. Pour parler de son travail. Comme quoi c'est bien de venir à Bulle de Rêve aussi. Alors, déjà je suis désolé, mais c'est évidemment facile. Grammaticopoulos. Ça vient de Grèce. Oui. Ça. Ce n'est pas un pseudonyme comme on me le demande souvent. Non, ça je savais, je me doutais. Il faut le faire quand même pour un pseudonyme compliqué. Ça vient de Grèce. J'ai regardé un petit peu, alors ça c'est étonnant, le cinéma d'animation, Olivier qui est aussi une des mémoires du cinéma d'animation mondiale, qui fait partie de la CIFA aussi d'ailleurs, Olivier, peut-être nous dire, j'ai regardé un petit peu dans Cartoons de Bandanzi, un petit peu tout. Le cinéma d'animation grec est assez peu développé. Hein. À part Philippe Grammaticopoulos en France et Georges Tifianos. Voilà, c'est ça, mais sinon, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle structure, là, il sort des Hercules, qui est un long métrage, mais très commercial. Sinon, le reste, évidemment, beaucoup de publicité, à l'époque en tout cas, et ça vient que dans les 70-80. Alors pourquoi le cinéma d'animation ? Écoutez, pour l'instant, je ne vis pas trop en Grèce, donc je ne sais pas. mais peut-être, effectivement, ils n'ont pas encore peut-être la culture du cinéma d'animation. Et donc, ils sont au balbutiement, on va dire, je pense. Mmh. Mais. Donc, alors pourquoi quand même sans la nationalité, c'est pas le plus important, loin de là. Pourquoi l'animation ? Quand est-ce que ça, il y a une lumière qui s'allume un jour en disant, c'est ça que j'ai envie de faire ? Alors, ça n'a pas été une lumière qui s'est allumée comme ça, un déclic. Disons qu'avant de faire de l'animation, je faisais de la bande dessinée, Olivier. Il disait justement qu'il y avait souvent des ponts qui se créaient entre la bande dessinée et l'animation. Et parce qu'on retrouve effectivement une animation suggérée dans la bande dessinée. On peut voir d'une case à l'autre, par exemple, la décomposition d'un personnage qui marche, un peu comme les images, les séries d'images du photographe Muybridge, qui pouvait décomposer avec donc une série, vous connaissez tous, une série d'appareils photo, le galop d'un cheval. Et la bande dessinée pour produire ça un peu. Mais ça reste une animation suggérée. Donc pour passer plutôt à une animation perceptible, on va dire, c'est vrai que ça m'a paru évident de franchir le pas et de me diriger vers l'animation, le dessin animé. D'accord, est-ce que tu avais vu déjà... Le film d'animation. Oui. Est-ce que tu avais déjà vu... Le dessin animé. Justement, pour ça qu'on va en parler. Est-ce que tu avais vu... plein de choses d'animation, tu t'es lancé dans l'animation un petit peu comme ça, novice, en disant j'ai envie de voir ce que ça. J'avais vu de quelques classiques, mais je me suis lancé quand même sans trop connaître. Mais je trouvais ça assez passionnant de pouvoir justement donner vie à son personnage. D'accord. Et donc, est-ce que tu te lances de suite dans la Super Infocom ou il y a d'autres choses avant, d'autres expérimentations ou Au niveau de l'animation, oui. j'ai commencé directement à Supinfocom. Pourquoi Supinfocom ? Question dure. Pourquoi Supinfocom ? Parce que j'ai vu longtemps, alors il y a plusieurs choses, j'ai longtemps vécu à Bruxelles, donc c'était pas loin déjà, puisque ça se passe dans le nord de la France, à Valenciennes. Et c'est aussi spécialisé dans l'image numérique. Alors là, le déclic, si on peut parler de déclic, c'est fait grâce à mon frère, qui lui fait donc dans les studios de design, du design automobile, et qu'il utilise donc des logiciels 3D. D'accord. Et il m'a conseillé, moi j'étais assez réfractaire, et je me disais non, c'est pas possible, un ordinateur, un clavier en plastique à la place de mes crayons en bois, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'il m'a dit que c'était vraiment l'avenir, on pouvait faire beaucoup de choses avec l'image de synthèse, et parce que ça ne reste pas juste dans le domaine de l'animation. Il y a aussi la publicité, les films institutionnels. Donc, j'étais frileux au début. Et petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans. C'est un peu mon frère qui m'a convaincu, finalement. D'accord. Bon, bah, c'est bien, on a de la chance. Moi, je voulais juste... Bien sûr, Olivier, non, faire une remarque à ce propos-là. Les premières promotions de Supinfocom, on voyait très bien que c'était des gens qui venaient d'un univers du jeu vidéo essentiellement, et on avait un peu le c'était un peu tous le même univers, c'était un genre en soi, le film en image de synthèse. Et puis avec des gens comme Philippe et d'autres, on a vu des gens qui avaient un univers graphique en tête et qui se sont dit, c'est un outil pour moi, je vais pouvoir utiliser cet outil pour faire passer mon univers. Et ça qui a changé, la révolution en matière d'image de synthèse et révolution en matière d'animation, c'est ça. Vous êtes approprié cet outil, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des univers tout à fait différents qui sont rendus de façon magnifique par cette image de synthèse. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'au début, l'outil était plutôt présenté pour lui-même, hein, c'est-à-dire... presque, c'est comme dans les films, les effets spéciaux. Pour les effets spéciaux, c'était un petit peu le clou du même film, dans les thématiques, c'est... les films se ressemblaient, c'est marrant. Ouais. Alors justement, ouais, pardon, Philippe. Non, vas-y. Non, c'est vrai, il y avait des ressemblances dans les thématiques. Mmh. Ouais, parce que voilà, c'est étonnant, c'est vrai qu'à partir du processus 2000, c'est ça, 2000. Hein, 2000, je ne sais plus quand est Romain Sego aussi, avec Tim Tom. Oui, c'est ça. C'est l'année d'après, je crois. C'est 2000, l'année d'après, donc c'est vrai que 2000 lance... Pour moi, il devait y avoir l'enfant de la haute mer aussi. Voilà, l'enfant de la haute mer, tout à fait. Une démarche très originale aussi. Donc à partir de 2000 et le processus... Un renouveau, en effet, tout à fait, Olivier, quelque chose de nouveau et des personnes qui ont des vrais univers. Et on va écouter un petit son. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Philippe ? Eh bien, c'est une musique d'après Ivo Malek, qui est un compositeur français, et que j'ai reprise pour le film du processus. D'accord. Le processus, donc, est réalisé avec Xavier de l'Hermanzienne, c'est ça ? De l'Hermusière. De l'Hermusière, j'écris mal. Quand on voit un film réalisé par Philippe Grammatico, c'est Xavier Delhermusière, on a envie de voir. c'est vrai que les noms sont incroyables. Xavier Delhermusière, qu'on retrouvera en tant qu'animateur, d'ailleurs, qu'on va retrouver sur le régulateur. Alors, le processus, c'est évidemment, on ne peut pas s'empêcher de dire, on a dû te le dire 300 millions de fois, évidemment, l'univers kafkaïen est évidemment là, c'est la première chose auquel on pense. C'est un univers noir et blanc, c'est une foule des personnes, il y a trois, c'est des hommes qui se ressemblent, ils sont tous habillés pareil, en noir. C'est un film en noir et blanc avec des chapeaux un peu haute forme, mais arrondis, et il y en a un qui perd son chapeau, et d'un seul coup, la foule le rejette, puisqu'évidemment, il devient différent, et petit à petit, il va essayer de retrouver un chapeau, et il va avoir une marée humaine, et... un éclair de lucidité, il va se retrouver en face d'une autre personne, à terre, tous les deux, il va lui piquer son chapeau pour pouvoir repartir dans la marée humaine. Je vous raconte le film, pour partir dans la marée humaine et redevenir un peu comme tout le monde. Merci, un petit peu. et donc, oui, c'est très surprenant parce que dès ce film-là, on sent ce qu'on va trouver dans le régulateur, une volonté de créer un univers, de créer quelque chose. Tes bandes dessinées étaient déjà dans ce style-là ou c'est avec l'ordinateur que tu as créé non, ça? Non, vraiment, c'est très proche du style graphique et esthétique de mes bandes dessinées, en fait. C'est un peu une transposition de l'univers que j'explorais déjà dans mes bandes dessinées, dans D'accord. quelques albums. Donc cet univers un peu étonnant, tu l'as vu Olivier, hein, je suppose, hein, ça marque tout le monde, le film tourne un petit peu, même pas mal en festival, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On a ce film-là qui est là, qui marche bien, tout le monde doit te dire c'est beau, bravo, etc. Le processus qu'on peut retrouver, je tiens à le préciser en effet, sur un DVD de One Plus One, sur tous les films plus ou moins de Supinfocom, avec L'Enfant de la Haute Mer aussi, il y a 4 DVD, on peut les acheter je crois en un. En vente à l'AFCA. En vente à l'AFCA, ben voilà, donc à la prix de l'AFCA, il faut y aller parce que tout n'est pas bon dans ces 4 DVD, loin de là, ouais. Mais rien que pour ça, pour L'Enfant de la Haute Mer, il y a quelques petites pépites et c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, là, j'ai ça, je continue dans le cours, je vais dans la pub. Non, moi, j'ai vraiment comme objectif, oui, de continuer dans le cinéma d'animation. Et pour l'instant, je suis en train de réécrire un nouveau court-métrage. Mais alors, juste avant, parce que ça, on va parler du futur, mais là, on est en 2000, tu sors de la promo 2000, on va avoir le régulateur en... Oui. On peut le dire, 2005, donc 5 ans après. 2004. Bon, 2004, en effet, c'est vrai, 2004, parce qu'il apparaît. 4 ans apparaît. Bon, on sait que c'est beaucoup de travail, un film d'animation, mais là, donc, de suite, tu finis le processus et tu te dis, allez, là, moi, c'est le court-métrage, il n'y a pas tellement d'économies dans le cours. Donc, non, c'est ça, il faut trouver de quoi vivre aussi. Donc, j'y ai pensé assez vite, j'ai commencé à écrire dès ma sortie de l'école des nouveaux scénarios, j'en ai écrit plusieurs, dont celui du régulateur, donc je l'ai écrit. En 2000 ou début 2001, mais je pense que c'est vraiment dès ma sortie. Et parallèlement à ça, comme je voulais justement pouvoir trouver de quoi manger, je me suis, j'allais dire infiltré, c'est pas ça, parce que je suis pas un intrus, mais je suis rentré dans les studios d'animation. À l'époque, il y avait Ex Machina, qui était un gros studio qui faisait un peu de tout, hein, de la publicité... quelques courts-métrages, aussi des cinématiques pour les jeux vidéo, des choses comme ça. Et donc, j'ai eu une expérience intéressante, là. Mais malheureusement, la boîte a fermé, je pense, 2 ans après. Donc, j'ai plus la date en tête. Et je me suis dit, voilà, c'est la boîte ferme, c'est un signe du destin. Mon scénario est préparé. Je vais essayer de le lancer sur les rails. Et donc, tu contactes des productions, qu'est-ce qu'on fait? On a un scénar, t'as un scénar en main, qu'est-ce que tu fais avec? Bon, j'ai fait des recherches graphiques également. J'ai aussi, comme je pensais le faire de toute façon en images de synthèse, j'ai aussi remodélisé des personnages, fait des tests d'éclairage, de rendu. Et avec tout ça, j'ai monté un petit dossier et j'ai cherché, j'ai été frappé aux portes des associations qui pouvaient avoir un peu d'argent... à donner pour ce type de projet, ou des organismes comme le CNC. Et voilà, et donc ça s'est fait comme ça petit à petit. J'ai eu la chance d'avoir des réponses positives et j'ai monté le budget petit à petit comme ça. Et par la suite, j'ai trouvé un producteur. D'accord. Qui est ? Qui est Jean-Jacques Benamou, que je salue, je pense, je ne sais pas s'il si nous écoute, qui était aussi un chargé de production à Ex Machina. Qui travaille maintenant chez McGuffling, qui est un autre gros studio parisien, qui fait aussi l'image de synthèse, et donc qui était assez emballé par le projet et qui a accepté d'être mon producteur. Et donc 4 ans après le processus, et ben ça donne ça, on écoute. Yeah! Oui, vous êtes toujours sur Bulle de Rêve, ne changez pas de radio, la radio 100% animation, et vous entendiez un petit extrait de la bande sonore du Régulateur. Alors des bandes sonores toujours absolument étonnantes alors, dans tes films. Oui, à nouveau, là c'est une pièce d'Ivo Malek que j'ai contacté, parce que je dois avouer que pour le processus, comme c'était un travail d'école, j'avais pas eu le temps de le contacter, et comme j'aime vraiment énormément ce qu'il fait, et que je trouve qu'il y a un univers qui se dégage quand ça fusionne avec l'image. Je l'ai recontacté et il a été vraiment très gentil et il m'a permis de réutiliser quelques-unes de ses pièces. Bien sûr avec lui un petit peu pour pas que je fasse non plus trop de coupures dans ses pièces, mais je suis très content et je le remercie une nouvelle fois. Hein. Alors le Régulateur, ça raconte... Olivier, oui, tu voulais, avant que je dise l'histoire. C'est la musique, la bande sonore en général, c'est très très très important, notamment pour des cours d'animation où il n'y a pas de dialogue, et ça prend, c'est presque aussi important que l'image. Et les étudiants ne savent pas toujours, mais on voit qu'il y a des choix qui sont des vrais choix, quoi. Voilà, ça correspond à l'univers du film. En tous les cas, ça correspond pas, ça donne une dimension en plus. Oui, en tous les cas, ça soutient et ça donne une dimension en plus. On ne peut pas se rendre compte que le film, en entendant la musique, bien sûr, mais voilà. Mais c'est vrai qu'au lieu de souligner, comme des fois beaucoup de musique et un petit peu lourdement, c'est vrai que là, ça l'accompagne complètement. Sur les deux, d'ailleurs, sur le processus, c'est pas étonnant que ce soit le même compositeur et son régulateur. Juste pour expliquer l'histoire du régulateur, c'est toujours dans ce même univers, un petit peu kafkaïen, où tout est trop grand, les décors sont grands par rapport aux personnages. C'est deux personnes, un couple, qui va acheter un enfant... pièce par pièce pour essayer de faire l'enfant idéal, mais il y a des choses qui des fois se passent mal, et je vous laisse découvrir, parce que ça il faut le découvrir. Wow, c'est tordu, non? Est-ce qu'on peut répondre à une question comme ça? Je pense pas que ce soit tordu, c'est quelque chose qui a toujours fasciné les hommes, hein, finalement, se substituer à Dieu pour essayer de créer un être parfait et immortel, hein, c'est un petit peu... C'est un désir assez orgueilleux qu'ont les hommes d'ailleurs, mais c'est un fantasme. On le revoit par exemple avec Pinocchio, je pense, ou Frankenstein aussi, qui sont deux grands classiques. Et donc on peut faire un parallèle, pardon, entre toi en tant que cinéaste d'animation, c'est un peu facile, mais en effet, qui veut créer toujours le film parfait. Quelque part, oui. Ce couple. C'est vrai que quelque part, peut-être le réalisateur qui fait des films d'animation, ou l'animateur qui anime les personnages... Et aussi à cette recherche aussi cette expérience de la création absolue, on va dire. Enfin, ouais, hein, donc c'est... J'ai assisté... Je suis désolé, non, mais bien sûr. C'est un plaisir. Je ne l'inviterai plus. J'ai assisté de la présentation du film en compétition à Annecy. C'était il y a 2 ans, je crois. Quelque chose comme 2004. C'est ça, 2004, c'était il y a un an et demi maintenant. Il était dans le même programme que Piccola Russia de Toccafondo. Et à la sortie de la salle, j'ai assisté à une discussion entre deux éminents spécialistes de l'animation que je ne citerai pas. Il y en a un qui défendait énormément le régulateur et Piccola Russia, et l'autre qui disait « Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs invisibles, insupportables, chiants ?» Ils ont parlé pendant, je ne sais pas, au moins une bonne vingtaine de minutes avec une passion. Voilà, donc c'était un souvenir. Ça veut dire quand même que le film provoque des choses, des réactions très fortes. Alors, Rudevitch et Olivier Cotte, qui n'aimait pas. oui, parce que c'est ça qui est étonnant. Moi, je me rappelle aussi, en effet, c'était une très belle. Parce que le régulateur est sélectionné au Festival d'Annecy en compétition officielle. C'est étonnant comme, d'un seul coup, la vision. Je suppose que c'est incroyable d'être. Enfin, c'est quand même un bel aboutissement d'être dans ce Festival d'Annecy qui est quand même censé représenter le meilleur. Je peux citer la personne qui défendait les films, quand même. C'est Hervé Joubert-Laurencin. Qui est aussi un immense spécialiste de Pasolini, qui est déjà venu dans cette émission. Et qui adore en plus Toccafondo. Donc, défendre les deux, c'est plutôt bien. C'est un honneur. Non, mais surtout d'être à Annecy, qu'est-ce que ça fait d'un seul coup d'avoir son film projeté en grand? C'est un plaisir. Oui, mais il y a un petit côté de stress quand même. On se dit, qu'est-ce que ça va donner en grand? Parce qu'on n'a pas des écrans si grands. D'ailleurs, là, il y avait eu petite confusion dans les cassettes, donc c'est pas la bonne cassette qui est passée, donc je me suis retrouvé un peu blanc avec de la sueur sur le front, parce que c'était pas le... C'est, enfin bon, Bon, c'est une parenthèse, disons. Voilà. Non, non, mais c'est important. Et donc voilà, on est plutôt un peu anxieux, on va dire. Mais en même temps, très content d'être là, bien entendu. Alors ensuite, le régulateur fait le tour du monde. Il a encore gagné un prix récemment au LIAF, le festival de Londres, meilleur film du festival. Si je vous dis qu'il y avait... Pour moi, c'est une première parce que je le savais pas. Il a été désigné meilleur film du festival, sachant qu'en face, il y avait Ryan... c'est Paradis, je crois, enfin vraiment quasiment la crème du cinéma d'animation mondiale. Et donc il y a, c'est un peu particulier, il y a chaque programmation, enfin chaque séance, il y a le meilleur film de la séance qui est décerné, et ensuite à la fin il y a le meilleur film de tout le festival, et le régulateur voilà était, écoutez, c'est fantastique, c'est étonnant qu'ils disent pas quand même au réalisateur que son film que leur film ont, ça passe peut-être par les d'abord par le diffuseur, le producteur. D'accord. Ouais, normalement le festival est censé avertir le producteur. Oui, voilà. Bah, bon, écoutez, donc là, il y a une erreur du producteur. La nouvelle se confirme, je suis très... Ah, c'est sur le site du LIAF. Je crois que c'est liaf.org, tout simplement. Tu vas voir. Alors, donc, on a le régulateur, qui est un film qui marche vraiment bien, qui impose vraiment un style, c'est évident. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On va attendre 2004, 2008, on va attendre 3 ans avant d'avoir le nouveau film de Grammatikopoulos. C'est-à-dire que je fais aussi parallèlement à ces courts-métrages-là, je continue dans la bande dessinée, donc ça me prend aussi pas mal de temps, et je vais aussi me lancer là dans les livres pour enfants, donc l'univers sera un peu moins glauque. mais voilà, donc c'est des choses qui se passent en parallèle, mais qui me prennent aussi... de mon temps, et c'est pour ça que ça voilà, les films suivent pas comme ça, et il faut aussi trouver bien entendu les aides financières, bien sûr, que j'ai pas encore pour l'instant, puisque j'ai proposé le dossier nulle part et je suis pas certain d'en avoir, donc ça c'est toujours une inconnue non négligeable, hein. Et comme tu disais, de toute façon le film est en écriture, c'est ça, pour l'instant? Là, il est fini. Je suis en train de faire les recherches graphiques. Et voilà, après, je ferai la recherche des financements. Quoi. Bon, donc, on te recevra d'ici 1 ou 2 ans. On espère le plus court possible pour avoir un film. En tout cas, allez voir, c'est vraiment intéressant. Le régulateur, alors ça, il est visible sur plein d'endroits, il est visible sur arte.com, sur thewebanime.com, c'est l'un des coups de cœur. Il est disponible sur le DVD de Repérage. Je crois que c'est un film qui a plu à tout le monde, parce que c'est un film qui à la fois, alors c'est un peu facile de dire ça, mais c'est vrai, il y a un fond qui est très fort, en effet, tout ce qui est modification génétique, tout ce qui est cette volonté d'avoir le plus beau bébé, en tout cas de faire le mieux possible, et quelque chose de très présent, et on arrive à avoir un film qui est à la fois assez pas drôle, dire c'est pas hilarant, loin de là, mais il arrive quand même à déjouer un petit peu juste le côté justement trop qui pourrait être glauque, je trouve, de ce genre d'histoire et de scénario, avec un parti graphique qui est absolument étonnant. Le noir et blanc, et on en voit plein en animation par ordinateur maintenant, ça fait très mode et très chic, et là on a quelque chose qui est réellement, qui impose un style, c'est assez étonnant, c'est pas juste je vais faire du noir et blanc parce que ça fait bien. C'est vraiment les deux fonctionnent ensemble, donc bravo. Et puis vivement les prochains. Voilà. Olivier, un dernier petit mot sur Philippe avant qu'on passe pour les 5 dernières minutes. Philippe à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Jérôme Boulbès à Courbevoie, Sébastien Lodenbach à Sceaux, Nadine Buss à Montreuil. C'est ça aussi, hein, c'est l'histoire de rencontrer des réalisateurs un peu partout. D'ailleurs, à Courbevoie, on pourra voir aussi, puisque le DVD de Repérage est montré, on pourra voir aussi ton film. D'accord. Voilà. Donc voilà, donc on passe rapidement, plus de musique, puisqu'il ne reste plus que 5 minutes, donc on supprime toutes les dernières musiques. C'est encore la Warner qui passe à la trappe. Non, c'était Xavri cette fois-ci qui passe à la trappe. Décidément, les cartoons ne passeront pas par bulle de rêve, ce qui est faux, on aime beaucoup les cartoons, mais ça ne marche pas. Alors, les sorties en salle, on vous a déjà parlé, enfin, mieux qu'on vous a déjà parlé, puisque Oscar, Elena, Manon et Swell vous ont parlé de très belle manière de Wallace et Gromit, que je vous ai recommandé, il faut absolument le voir, c'est le 19 octobre. Le 12 octobre, Les Noces Funèbres de Tim Burton, un film qui est très intéressant, c'est du pur Tim Burton. Le seul problème pour les vrais fans d'animation, on va dire, c'est que, et Mike Johnson, que donc j'ai pu rencontrer dans cette fameuse rencontre, je lui demandais, je disais, mais ça vous dérange pas, en voyant votre film The Devil Went to Georgia, qui était très intéressant, qui ressemblait à du George Pal à Annecy, je disais, ça me faisait penser à George Pal, c'est très artisanal, c'était très intéressant, ça vous embête pas d'avoir quitté ce côté artisanal, puisque Pixar vous a dit, des gens de chez Pixar vous ont dit que Les Noces Funèbres auraient pu être fait, enfin, ressembler presque à un film 3D. J'ai dit ça, alors Tim Burton, tout le monde était en disant, mais c'est pas possible, on voit que c'est encore artisanal, j'ai l'impression d'avoir dit quelque chose, un gros mot, enfin bon. Et je me suis rendu compte, c'est comme ça qu'ils vendaient le film aussi aux États-Unis. Il n'y a rien dans le dossier de presse disant qu'il y a certes que 2 à 3% soi-disant d'animation par ordinateur. Le film vraiment est beaucoup trop, pas beaucoup trop fluide, mais très fluide. Et le Mike Johnson me disait, mais non, c'est très artisanal, mais de toute façon, on a voulu aussi coller au plus près des films en images de synthèse pour prouver qu'on pouvait faire la même chose. Juste un mot à Mike Johnson, qui évidemment ne m'écoute pas. L'animation, c'est pas fait pour ça. Le Pôle Express, c'est planté justement pour ça. L'idée n'est pas de devenir le plus réaliste possible. L'animation par ordinateur fonctionne actuellement, mais ce n'est pas pour ça. Les Noces Funèbres reste un très beau film, mais voilà, pas sans plus. On va écouter, allez, juste un petit son très rapide. On va le couper, c'est sur le disque MP3, le prochain. Et on va le couper juste pour faire écouter un tout petit morceau, si Nicolas est prêt. Sinon, c'est pas très grave. Non, sinon, Alexis nous chante une chanson. Il va la découper. Oui, donc bonjour, Marion. C'est pas très grave. Toujours de Montréal. Alors, exactement, Alexis. Dis-nous un peu ce qui se passe à Montréal. Alors, on revient, je suis désolé, j'ai complètement zappé quelque chose de très très dommageable, c'est Marion Audon de Montréal, elle va m'en vouloir, elle nous parlait du Centre 2, et ben je suis désolé, j'ai oublié, on va finir, j'ai pas le temps, sa petite intervention fait 7 minutes, même 9, il nous en reste 3, si je dis pas de bêtises, donc on va pas, donc Marion, je suis désolé, c'est ça d'avoir plein d'invités qui nous racontent des choses passionnantes, vous pouvez retrouver l'intervention de Marion dès lundi ou mardi, j'espère, sur thewebanim.com qui fédère, on va dire, et où il y a toutes les émissions de Bulles de Rêve. Rapidement, un DVD, donc c'était le petit son que je voulais faire écouter, mais c'est pas très grave, un DVD vient de sortir d'un réalisateur que j'aime pas forcément. C'est Chalet Pointu qui sort ça, mais le DVD est absolument sublime et les films ne laissent pas indifférents, sont toujours très intéressants. C'est Rosto, réalisateur hollandais un petit peu fou qui fait des films baroque, hein, voilà, qui fait des films comme certains vont s'asseoir sur un divan de psychanalyste. C'est vraiment ça, hein. Il nous sort tout ce qu'il a sur lui, là, dans celui-là, dans son dernier film qui était présenté à Annecy. Vous avez un homme qui est confronté à tuer un bébé, il hésite, etc. Enfin, c'est complètement fou. Il y a des superpositions d'images, c'est complètement délirant et c'est très très intéressant, absolument à voir. Et le DVD est très beau, très bien réussi. Il y a des making-of, il y a des choses comme ça. Et donc voilà, c'est absolument passionnant. Quoi d'autre ? Je voulais vous faire une rapide, je vous la ferai parce que c'est très très drôle. Je voulais vous faire une rapide petite revue de presse sur l'animation qui évidemment est énorme. En ce mois d'octobre grâce à ça. Je voulais juste vous lire, allez, je ne peux pas oublier, puis je vous ferai la petite critique des Cahiers du cinéma qui adorent l'animation, on le sait bien, puisqu'ils n'en parlent jamais. Et de Wallace et Gromit, vous êtes prêts ? Sauf de Miyazaki. Sauf de Miyazaki, en effet, parce qu'on sait que c'est bon, tout le monde leur dit. Attention, Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Matière sous serre, donc. Ainsi, sanctuarisée, hors sol, elle peut vite se dévitaliser, se dépigmenter. Le leitmotiv potager indique combien les personnages, piqués de végétarisme, ont la même texture que les courges. Une sorte de tofu farineux tendant vers l'albinos. Tu es pâte et tu retourneras à la pâte. Ça continue comme ça pendant plusieurs. C'est assez passionnant. Il parle très bien du Garel. Voilà, c'est Gromit un tout petit peu moins bien. Sortent le 5 octobre, donc mercredi, est sorti Les Trois Moines et Autres Histoires. Trois films chinois dont je vous avais parlé le mois dernier, dont Han Tai-Wei, qui est absolument étonnant. Voilà, c'est Gromit le 12, Corpse Boy le 19, sorti en DVD Lilo & Stitch 2. Je me dépêche, La Ferme des Animaux, Fievel et Le Nouveau Monde, Robots de Chris Wedge et trois adresses internet. Allez absolument sur foodanim.org, foodanim.org. Ils ont fait un défi des fous absolument incroyable sur les tomates, je vous en ai parlé. Les films sont arrivés, les films sont sublimes. C'est absolument incroyable. Deux sites internet, Franck Dion, que j'avais reçu ici, a refait son site et il y a plein de choses absolument passionnantes. Ce type est vraiment incroyable. C'est www. www.francadion.net. C'est absolument sublime, c'est le voyage imaginaire, c'est un talent incroyable. Et la dernière avant de finir, alors c'est un petit peu plus long, c'est toujours sur Franck Dion, c'est francadion.free/musee.htm, et c'est en fait Lélio, le fils de Franck, qui a fait des dessins. C'est son musée imaginaire d'horreur, et on sent qu'il suit les traces de son papa, car c'est absolument exceptionnel. Tout ce qu'on vient de vous dire, c'est sur thewebanime.com, et vous pouvez nous écrire maintenant, Bulle de Rêve, à Radio Animation, donc Radio Animation, tout attaché, @free.fr, Radio R-A-D-I-O, Animation, A-N-I-M-A-T-I-O-N, @free.fr. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose, vous voulez savoir où passe tel film, etc., ou savoir, vous n'hésitez pas, je me dépêche. Merci à tout le monde d'avoir été présent et de nous avoir dit d'aussi belles choses. Je peux continuer, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Alors là, moi, je voudrais dire un truc. Hein. Et ben Olivier, je voudrais dire merci à Jessica, parce que c'est bien, c'est quand on coordonne la fête du cinéma d'animation, il y a des gens qui vous amènent des trucs comme ça extraordinaires. Merci Jessica. Et ben parfait. Alors qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce qu'on a, combien de temps on a? 5 minutes. Est-ce qu'on peut essayer de passer le Marion? Ça serait parfait. Ça dure, je crois, 5-6 minutes. Ça serait, eh ben, c'est génial. Donc, on va avoir ce que j'ai arrêté tout à l'heure, qui est Marion Audon, qui nous parle du Centre 2 et qui nous parle un peu du Canada. On écoute Marion. Quel plaisir. Oui, donc bonjour Marion. On dirait oui. Toujours de Montréal. Alors, exactement, Alexis. Dis-nous un peu ce qui se passe à Montréal, à part le froid. À part le froid qui commence, cette semaine, je voulais essayer de vous parler un petit peu du second organisme qui est vraiment très important ici en matière d'animation, et qui est l'Office national du film, pardon, qui est pour eux de promouvoir le patrimoine cinématographique québécois. Le fameux ONF. Exactement. Bon, qui est très critiqué, on le sait, même dans son pays, tout le monde trouve que son rôle est un petit peu trop présent et puis pas assez culturel. Mais en matière d'animation, il est quand même assez novateur et puis il donne de l'argent pour des bonnes choses. Sûrement grâce à Norman McLaren, qui a été un précurseur de l'expérimentation dans l'animation. Et donc, ben, moi, je voulais plutôt aborder une nouvelle technique qui est en train de se développer dans les locaux de l'ONF et qui s'appelle la technique du 5D. Donc, très grossièrement, le Stereoscopic Animation Drawing Device. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Donc, c'est une technique d'animation en 3 dimensions, mais qui est assez intéressante par le fait que cette technique te pousse vraiment à l'intérieur du dessin animé, contrairement aux techniques d'animation en 3D qu'on peut retrouver normalement, qui sont quand même diffusées sur une image en 2 dimensions et qui restent plates. Ici, on a tout un appareil avec des lunettes infrarouges, un écran spécial qui te permet vraiment d'être immergé à l'intérieur du dessin. Donc tout tourne autour de toi, c'est vraiment très intéressant. Puis c'est encore plus intéressant quand on le voit, parce que moi, j'en avais entendu parler et ça me paraissait beaucoup moins bien que ce que je te dis là. Donc c'est ça, il faut vraiment le découvrir. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de dessins animés qui sont faits avec cette technique, mais il y en a quand même 4 ou 5. Et bon, ils sont pas tous très intéressants, parce que c'est vraiment pour expérimenter la nouvelle technique et puis voir ce qu'on peut faire avec. Mais ça promet d'être vraiment très intéressant. Alors, on est quelques-uns à avoir la chance de le voir à Annecy, parce qu'il y avait une promotion à Annecy, hein, de ce centre. Et ce qui est très étonnant, est-ce que tu as vu, toi, parce qu'ils animent dans l'air, c'est ça, en plein, enfin, c'est assez étonnant, l'outil qu'ils ont. La manière dont ils font ça, en fait, c'est avec une sorte de stylet magnétique qui est relié à un ordinateur et avec lequel ils vont donc dessiner dans l'air, comme tu disais, et ils ne créent pas le volume à partir de points dans l'ordinateur, mais en traçant le volume dans l'air. Donc c'est beaucoup plus fluide qu'une technique de dessin par ordinateur, et en même temps c'est aussi beaucoup plus fluide même qu'un crayon dessiné sur papier. Donc c'est vraiment tout nouveau, et c'est ça, c'est incroyable. Ce qui doit être compliqué, c'est de dessiner dans la profondeur, parce qu'en fait ils sont obligés, pour avoir de la 3D, de dessiner en profondeur, en hauteur, en longueur, enfin ils sont obligés d'avoir vraiment, là on est dans, en pleine vraie 3 dimensions là. C'est ça, c'est exactement ça. Puis tu sais, même monsieur Ferguson que j'ai rencontré, qui est le on va dire, le dessinateur approprié qui expérimente cette technique m'a fait expérimenter ça aussi. Puis c'est vrai que c'est vraiment très difficile de se lancer dans l'air pour créer un volume. Et apparemment, même les dessinateurs vont mettre au moins 2 ou 3 semaines à réapprendre à dessiner, si tu veux. Parce que c'est vraiment toute une nouvelle manière d'envisager le concept du dessin. Oui, alors donc... Tu sais, c'est plus... parce qu'avant, même le dessin animé, tout était plat, finalement. Tout se faisait soit sur un ordinateur plat à partir de points imaginaires, tu sais. Mais là, c'est vraiment un vrai volume qu'on peut sentir, qu'on crée soi-même, mais qu'on sent. Donc, c'est vraiment très différent. Et alors, il y a donc... on a le droit à réaliser notamment... sur la chanson de Marlene Dietrich, Falling in Love Again. Oui, il l'a vu en 2D en fait à l'époque à Annecy, et qui a été recréé, qu'il a recréé dans, avec cette technique avec, qui est assez étonnante, avec ces deux personnages qui tombent amoureux, qui tombent après un accident et qui est assez drôle. Oui, voilà. Celui-ci est vraiment sympathique, si tu veux, parce qu'il explore tous les concepts de volume, et puis, tu sais, tous les concepts du dessin animé classique où la personne tombe, où la personne bouge, il y a un mouvement de voiture, il y a de l'instabilité, de la stabilité. Mais c'est vraiment pas la meilleure réussite de Ferguson, et puis de ce qui a été fait en animation par le Sunday. Parce que Munro Ferguson a fait une sorte d'hommage à sa professeure d'art plastique, et c'est une sorte de chose métaphysique qui part dans tous les sens et qui inclut aussi de la photographie. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette technique, on peut aussi inclure de la photographie, et c'est vraiment très beau, et puis c'est là que tu vois vraiment toutes les potentialités de cette technique. Est-ce que y a une possibilité de le voir si on va à Montréal ou non, malheureusement c'est compliqué, c'est... Est-ce qu'il y a des séances du Centre 2? Non, le problème, voilà, c'est ça, c'est que le Sunday, dans l'avenir, sera beaucoup moins cher qu'un dessin animé traditionnel, parce que ça va être beaucoup plus rapide à créer des images d'animation, ça va être beaucoup moins cher pour plein de choses, mais le matériel pour les exploitants va être beaucoup plus cher, puisqu'il nécessite des lunettes infrarouges pour chaque personne, donc... En voyant ça, on se dit que la technique du Sunday, c'est encore sympathique, mais ce ne sera pas sur les écrans avant au moins 10 ou 20 ans. C'est le temps de refaire. Il faut vraiment des salles spéciales pour voir ça. Bon, donc si on a l'occasion de le voir dans les expositions ou dans des festivals d'animation, il faut se précipiter pour le voir. C'est vrai que c'est une expérience assez étonnante. J'étais comme toi, quand j'ai vu Annecy, j'étais allé le dernier jour, j'étais assez peu convaincu, on va dire, par le procédé. Et en fait, c'est vrai que c'est très impressionnant à voir. C'est complètement immergé dans l'image. On peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas fait l'expérience de ce phénomène où vraiment c'est ça, on a une sensation, même ça bat dans le cœur. Je sais pas si toi t'es pareil, mais c'est très impressionnant. Ouais, tout à fait. Mm-hmm. Alors ça c'est le Sunday, merci, parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Oui. Du temps. On essaiera de proposer sur le site de Bulle de Rêve peut-être quelques images pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce que ça donne. Ils ne peuvent pas se rendre compte évidemment, mais voir par exemple le stylet, voir des gens en train de dessiner en l'air, enfin c'est assez étonnant. À Montréal, alors nous on a gardé le titre anglais, mais je sais que les Canadiens, les Québécois pardon, surtout francisent, enfin vraiment traduisent les titres. Il y a The Corpse Bride de Tim Burton et Mike Johnson qui sort ici, et en québécois c'est, enfin en français c'est La Mariée Cadavérique. Et donc est-ce que ça marche bien à Montréal? Eh bien, en faisant un petit micro-trottoir, on se rend compte que l'approche des Québécois est un peu différente de la nôtre peut-être. Je sais pas, tu nous diras ça mais nous ici on trouve ça plutôt assez médiocre, un peu une sorte de sous l'étrange Noël de Monsieur Jack, vraiment moins bon et moins imaginatif selon les personnes interrogées, même si les critiques pourtant écrites sont plutôt bonnes. Mais ici les journaux écrits en matière de cinéma ne sont vraiment pas des références, donc il vaut mieux se fier au micro-trottoir. D'accord, ouais. Alors il y a une rencontre, je sais, Mike Johnson avec le public montréalais, qui est organisé par une revue qui s'appelle FPS, qui est une revue assez connue d'animation au Canada, et je ne sais pas quand c'est, mais voilà, donc c'est Mike Johnson, le co-réalisateur, le vrai réalisateur du film, hein, plus que Tim Burton, qui rencontrera le public. Ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne. Si tu as l'occasion d'y aller, On en reparle. Voilà. Exactement. Autre chose, parce que bon, il y a voilà, c'est Gromit qui va sortir, ça c'est forcé. Il sort ce vendredi là, aux États-Unis, il va sortir forcément là, le gros carton annoncé. Il a déjà été présenté en avant-première au festival, Festival des films de Montréal. D'accord. Mais bon. Bon. Pas de retour pour l'instant. Bon, et ben on verra ça pour la prochaine fois. Exactement. Autre chose du côté de Montréal ? Oui, le Festival du Nouveau Cinéma qui va présenter quelques films d'animation. Mais bon, rien de très intéressant. Les gros classiques, les gros blockbusters. Donc, bon. D'accord, on verra pour les courts-métrages. Ouais, je crois que c'est le mieux. C'est les choses qui t'ont intéressé. Parfait. Et ben merci beaucoup Marion. Ben merci Alex. Et puis au mois prochain. Alors maintenant on va faire attention. On va venir à tous les mois. Exactement. Allez merci et puis à bientôt. Et puis couvre-toi bien. Merci. À bientôt. Salut. Ciao. C'est toujours Bulle de Rêve et 19h10, on a encore un peu plus de temps, donc ça c'est plutôt bien. Vous voilà, un dernier truc sur la fête. Alors, juste avant, on écoute juste, on disait juste que c'était Marion Audon qui nous parlait de Montréal. J'avais malheureusement, le temps était compris, on n'avait pas pu, ça nous a permis d'écouter, qui nous parlait du Centre 2. Olivier me disait qu'il n'avait pas vu, mais c'est vrai que c'est très étonnant comme procédé, c'est de la 3D, c'est vraiment, vraiment fascinant. Et avant que l'autre émission, alors Olivier, une dernière chose. Ouais, à Bourg-en-Bresse, pendant toute la semaine, tour du monde de l'animation, donc il y a des films du monde entier, par continent, Australie, Afrique, États-Unis, enfin Amérique du Nord, etc., Europe. Et enfin, génial. On se balade de continent en continent pendant une semaine.